Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici Richard Stevenson. Au nom du Centre de l'Universalité, ainsi que de son personnel, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au Grand Salon Théocentrique pour cette conférence d'Alexandre Lachance. J'aimerais vous rappeler qu'il est interdit de fumer et de prendre des breuvages à l'intérieur du salon. Si vous désirez fumer pendant la conférence, le Centre met à votre disposition la salle d'accueil où vous pourrez assister à la conférence en direct sur moniteur vidéo. Pour la première partie de la conférence, Alexandre sera interviewé par François Payotte. Lors de la deuxième partie, vous pourrez poser vos questions par écrit à Alexandre, qui se fera un plaisir d'y répondre. Vous trouverez à cette fin des petites feuilles et des crayons sur les tables de la salle d'accueil. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, sans plus tarder, accueillons comme il se doit Alexandre Lachance, accompagné de François Payotte. À chaque fois, on a des problèmes avec les micros, mon Dieu. On va commencer par vous souhaiter le bonsoir et la bienvenue. Ce soir, toujours dans le cadre des études de la table ronde de l'Université mondiale et de l'enseignement théochristique lémurien en compagnie d'Alexandre Lachance, on va continuer donc la section précédente qui était la symphonie sur le clavier cosmique, qu'on n'avait pas terminée, bizarrement. Et, en tout cas, il ne s'est pas rajouté d'autres pages à date, là. J'espère qu'on va la finir. C'est tellement ardu comme matière. Là. Heureusement que vous êtes là pour nous éclairer un peu, Alexandre. Bien, c'est... Je pas un langage académique, mais parfois il est un peu tordu. Et par la suite, on entrera donc dans la section suivante, qui sont les lois d'économie pour le monde nouveau, le nouvel âge. Alors, on en était arrêté à ce qui distinguait la matière et l'intelligence. Alors, un petit résumé. La matière se distingue par le poids et l'extension. L'esprit se distingue par l'influence et l'intensité. La matière représente la quantité, alors que l'esprit représente la qualité. Alors, ce sont les rapports matière-esprit. Donc, la matière se distingue par le poids et l'extension, et l'esprit se distingue par l'influence et l'intensité. L'intelligence est douée d'extension et d'intensité, puisque la matière et l'esprit sont liés par ce dénominateur commun. On peut dire que l'intelligence, par conséquent, représente l'extension qualitative, la faculté de discriminer à mesure qu'elle s'étend à connaître l'univers. Alors, le but de toute assaise ésotérique consiste à produire une extension ainsi qu'une intensification de conscience. Et à mesure que le cerveau devient plus souple à discerner des concepts qui sont un peu abstraits dès le début, non seulement l'intelligence se développe, mais une force de l'intelligence qui entre en jeu. C'est-à-dire la connaissance intuitive fait partie de la race, de l'âme de la race, se manifeste dès que ces thèmes-là ont été approchés. Mais est-ce que dans une vie, il peut s'opérer des ouvertures de circuits au niveau Définitivement. Du cerveau? Oui. Alors, qu'est-ce qui crée cette ouverture des circuits au niveau des neurones? Qu'est-ce qui l'empêche? J'ai déjà parlé, n'est-ce pas, du centre de Broca, qui est psychoplastique dans le sens qu'il retient les impressions visuelles ainsi qu'auditives qui ont été produites par des lectures ou bien des conférences que vous entendez, ou aussi des impressions que vous recevez ou qui se présentent la nuit à la suite d'une étude quelconque. Alors, ce centre de Broca répète comme un disque, par exemple, ce qui aura été imprimé, qui n'aura pas été élucidé dès le début. Alors, on peut se réveiller un matin, ça arrive souvent, dire « je comprends ce que j'essayais de élucidé hier soir. » Alors, ça se révèle et le centre travaille automatiquement. C'est le centre de Broca qui tient le point équidistant entre les deux lobes du cerveau. Il est psychoplastique, je répète, parce que c'est comme de la ferrite. Alors, dès qu'il y a un animateur dessus, alors il se joue seul, ce centre-là. C'est-à-dire, il se révèle seul. Il y a donc une capacité d'autocréation, de Exactement. Et les s'engendrer. phrases que l'on n'aura pas compris, que l'on n'aura pas comprises, peuvent se répéter à la faveur du sommeil, avec telle intensité que ça vous réveille parfois même. C'est ça, on peut parfois avoir accès à une certaine information et ne pas la comprendre. On la Exactement. Alors stocke c'est par la suite, quand on et un est beau dans jour. un état de détente, que ça se révèle. Et ça se révèle en répétant l'impression et en vous donnant plus d'illumination au moment où vous êtes suffisamment passif pour la recevoir. On peut donc voir jusqu'à présent que des sept plans ou dimensions de notre système solaire, trois sont primaires, la matière, l'intelligence et l'esprit. Les trois dimensions inférieures qui participent de la nature de la substance comportent la matière chimique, les éléments physiques, la matière éthérique, les multiples éthers qui sont au nombre de quatre, et la matière astrale, la différenciation de la lumière dans les couleurs du monde du désir. Moi, je ne vais pas aller plus loin, là, ça demande déjà des Voici, explications. oui. Alors, on sait que le champ magnétique, ce qu'on appelle notre aura, qui habituellement est localisé tout autour de la cage thoracique et du cerveau, se révèle à la lumière, à la clairvoyance, sous forme de couleurs. Ce sont les couleurs de vos chakras et de votre aura. Alors, ces couleurs-là deviennent de plus en plus intenses à mesure que vous éveillez ce centre de Broca. Et manifestent toutes les couleurs du spectre solaire à partir de l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet. Et quand vous éveillez le matin, si vous vous regardez immédiatement dans le miroir, vous allez constater que votre aura, c'est facile de développer cette faculté-là, de voir votre propre aura, en vous tenant devant un miroir dans les semi-obscurités, puis en mettant un petit chandelier dans l'arrière de vous. Vous constaterez que le champ magnétique tourne définitivement vers le violet à ce moment-là. Alors, c'est les couleurs astrales qui ont eu le temps de s'intensifier à faveur du sommeil. L'homme établit contact avec ses plans d'être-té au moyen de corps concentriques, un pour chaque niveau de conscience. Bon, maintenant, on dit que nos chakras, nos centres endocriniens, sont au nombre de sept, pareil comme les plans de conscience qui nous entourent, soi-disant les planètes, sont au nombre de sept également, ceux qui sont les plus efficaces dans notre vie. Alors, ces chakras-là s'éveillent à la faveur des stimulations qu'on leur donne par la lecture, ben, la méditation sur certains sujets. Et ces sept corps, ultimement, deviennent focalisés en un seul point, sur le point pinéal. La glande pinéale, le centre christique. Et là, quand tous les sept sont focalisés sur le point central, là, vous avez l'illumination qui est une aura totalement violacée. Mais l'illumination, c'est quoi? C'est la fusion de tous les plans de conscience qui se manifestent par des couleurs dans le cerveau même. Normalement, ils sont localisés à la base de l'arbre de vie, à partir du Mooladhara, du chakra basique, et qui monte par le. Tout le long de l'arbre de vie, en arrêtant au plexus solaire, au plexus cardiaque, au centre christique. Et finalement, se fusionne pour faire le maximum de la couleur que l'ultraviolette ou le violet. Le violet, c'est la couleur la plus pure que l'homme puisse éprouver. Maintenant, je ne parle pas rien de voir, de constater, mais d'en subir l'effet. Alors, les sept plans de conscience doivent se fusionner en un seul, quand l'homme est complètement illuminé. Et le geste que l'on a posé ou que l'on recommande continuellement, c'est d'éveiller d'abord le pinéal, le centre christique, afin que tous viennent se focaliser ici, afin de contacter la pituitaire par la suite, afin que les sept plans de conscience se trouvent à graviter tout le long de l'arbre de vie. Ils montent pareil comme la sève monte dans un arbre. Mais il y a certainement autre chose, je pense, dans l'illumination que le fait de voir un feu d'artifice de Oh, c'est couleur. infiniment plus que ça. C'est une émotion tellement profonde que vous en êtes affecté profondément. À la faveur de l'illumination, vous pleurez de joie, de reconnaissance et d'émotion. Ce n'est pas que des couleurs, c'est des sensations, des émotions profondes. Et ça s'empare de vous. Vous êtes, pour employer le terme de Teilhard de Chardin, vous êtes totalement amorisé. Totalement amorisé. Alors l'amour, ce n'est pas l'amour banal, hein? Alors, votre être tout entier est capté par une vague de vie que l'on ne peut pas exprimer autrement que dire, c'est de l'amour. Il n'y a qu'une chose qui existe dans l'univers, c'est l'amour. Et votre être tout entier en subit cet effet-là. Autrement dit, on expérimente donc cette énergie ou ce principe absolu d'amour, là, oui. Tel qu'il origine, je pense, sur le plan éthérique. Ou sur le plan éthérique, oui. Alors, l'amour, c'est l'harmonie de tous les plans de notre être, n'est-ce pas? Hein? Et ça nous permet de comprendre que l'univers est septuple. Hein? On dit bien. Et comme nous sommes des petits mondes, des mondes en miniature, on subit le même effet qui existe dans l'homme universel ou dans l'homme de la race. Alors, tout l'amour, toute la vie, toute l'énergie que la race humaine détient en potentiel s'infuse dans votre arbre de vie et se révèle. Captez l'inconscient collectif, ni plus ni moins, à votre insu. Dès que les sept chakras, que les sept centres d'énergie ont été éveillés, là, l'illumination est totale, ou l'amorisation est totale. Mais cette sensation ou cette amorisation, là, c'est une sensation d'appartenance unitaire, là, universelle. Au grand tout. Vous savez que vous faites partie d'un grand tout. Un très grand nombre de livres ont été écrits à ce sujet, mais on ne pourra jamais le synthétiser mieux qu'en disant ça. Là, je fais partie du tout. Puis vous en êtes vraiment conscient. Vous n'êtes plus isolé, vous n'êtes plus une masse de cellules qui est apparemment en mouvement. Alors, vous savez que vous faites partie de l'âme universelle. C'est comme sauter du personnel à l'impersonnel soudainement. Et c'est tellement dramatique que, je ne dirais pas vous en souvenez toute votre vie, mais vous en êtes toujours conscient de cet état-là, de cet état de totalité. Alors, on nous dit ici qu'une explication détaillée du corps humain, à mesure qu'il s'étend en ses dimensions supérieures, sera précisée dans la leçon 4 de cette étude. Ça, c'est à condition que notre ami Alexandre Lachance mette la main à la pâte. Aïe, aïe, aïe. Bon, voici. Dernièrement, on a eu quelques visiteurs chez nous. Il y en a eu un en particulier, un homme pourtant assez âgé qui aurait dû subir cet effet-là plus tôt que ça. Il y a à peu près 70 ans. Je vis enfin. Hein? C'est tout ce qu'il dit. Il dit, enfin, je vis. Hein? Alors, moi, j'ai pas pu autrement que de m'incliner devant ça. Je dis, enfin, ça s'exprime tout, hein. Puis il est parti que... Alors ici, c'est un peu comme une récapitulation. Souvenez-vous, un atome de matière chimique, un atome de matière éthérique et un atome de matière astrale ne diffèrent que par leur fréquence mutationnelle de vibration. On a vu ça, là. Oui, justement. C'est précis, n'est-ce pas? C'est très précis. C'est de la métaphysique tout pure, puis c'est ni plus ni moins la continuation de la physique nucléaire, je devrais dire, oui. Dans l'univers personnel de votre propre atome racine, ce qui vous identifie en tant qu'individu, vous contrôlez une quantité de substance qui s'étend à l'intérieur de ces plans comme partie intégrale de votre propre être. Ordinairement, vous êtes conscient de ces niveaux d'existence qu'à travers les sens qui se manifestent comme action sur le niveau physique, le plan derrière l'action du niveau éthérique, le désir derrière le plan du niveau astral et le but derrière le désir sur le niveau mental. À un moment donné, vous constatez que ces trois plans, qui apparemment semblent être trois différents paliers, n'en font qu'un seul. Et c'est là que l'intégration des trois niveaux de votre être se fait. Ça se fait à votre insu, parce que ça s'est fait graduellement. Là, vous dites, là, je suis vraiment totalisé. Je n'ai pas un être temporairement matériel, intellectuel ou spirituel, là, vous faites partie d'un tout. C'est le but à atteindre, c'est le but que vous tous atteindrez tôt ou tard, dans des conditions favorables. L'essentiel, c'est de réaliser que l'idéal, c'est de devenir trinifié, devenir vraiment trinitaire, et d'être conscient des trois plans de notre être, dans un moment de grâce, quoi, c'est un moment de grâce, et là, vous direz, ben, là, je suis plus dissoluble. Si cela semble compliqué, c'est parce que l'univers est un mécanisme compliqué d'interprétation infinie. Et ce que nous nous efforçons de faire ici dans cette étude est de vous donner une compréhension fondamentale des choses telles qu'elles sont. Parlez-moi de ça, j'aime ça. La voici. Nous voyons superficiellement, n'est-ce pas, par le biais de nos sens. Et nos sens, comme on peut le constater facilement, sont très restreints, sont limités. Et les impressions sensorielles se traduisent par tout notre organisme, et c'est réfléchi sur le cerveau. Mais le cerveau ne peut jamais les interpréter autrement que d'après l'expérience qu'il a eue de la matérialité. Alors, même nos impressions, s'ils sont assez fidèles, elles sont déjà fautives. parce qu'il nous manque l'expérience. Mais quand tous les chakras ou tous les centres de conscience ont été ouverts, là, l'illumination vient soudainement. On comprend soudainement. C'est voir tout. C'est l'allégorie de déchirer le voile du temple. Exactement. Hein, ben oui. Les voiles sur la conscience. Précisément. Alors, dès que cette chose-là est faite, vous voyez la lumière dans tout son... C'est le exactement le point que l'on voulait révéler dans le tabernacle, hein? Hein? Dans le deuxième temple, hein? Temple de Salomon. Alors là, la lumière spirituelle, le dernier chakra, illumine tous les autres. Et là, l'homme est véritablement intégré. Et c'est le privilège de tout le monde. Après un certain temps, ça peut venir soudainement, par grâce, par pure grâce, ou ça peut venir à force d'effort. Mais inévitablement, ça viendra. On dira, enfin, j'ai vu, je sais, je vis maintenant. Totalement. Donc, ça débouche sur une forme certaine de lucidité. Oh, c'est plus qu'une lucidité. Si on prend la racine du mot lucidité, il y a encore une fois la lumière là-dedans. Lucidité, oui, c'est pas rien, de la luminosité, c'est de la lucidité. Ouais. C'est phosphorescent. Alors donc, si cela semble compliqué, c'est parce que l'univers est un mécanisme compliqué d'interprétation infinie et que nous nous efforcerons de faire ici, dans cette étude, est de vous donner une compréhension fondamentale des choses telles qu'elles sont et la connaissance de comment contrôler l'univers microcosmique duquel vous êtes le créateur personnel. Bon, cet univers microcosmique, oui, microscopique aussi, c'est votre ego véritable, hein? Qui se répartit dans chacune de vos cellules. Et chaque cellule est capable de conscience individuelle aussi bien que d'œuvres collectives. Alors, quand chacune des cellules, il y en a des billions dans votre être, sont illuminées, sont amorisées, j'emploie toujours le terme parce qu'il n'y a pas d'autre terme à employer, alors vous êtes vraiment totalisé et vous dépassez toutes les limitations du temps et de l'espace et aussi les limitations de votre incapacité sensorielle. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas où les cellules sont justement sur le point de se détruire elles-mêmes? Est-ce que c'est pas... Elles ne se détruisent pas réellement. Dans un cancer? Elles retardent de se répéter, n'est-ce pas? Alors, il n'y a plus de déjection cellulaire qu'il peut y avoir de reproduction cellulaire. Alors, la sénescence, aussi bien mentale que physique, c'est un processus de ralentissement du processus de reproduction. Et toute la discipline que l'on recommande vise à accélérer le processus de reproduction des cellules. Normalement, c'est toutes les 8 minutes qu'elles se reproduisent. Et graduellement, ça va jusqu'à l'âge de puberté, disons. Et ça commence vers l'âge de 30 à 40 ans à diminuer considérablement. Mais si on peut maintenir la reproduction cellulaire à son maximum de rendement jusqu'à un âge indéterminé, là, on vit toujours en pleine possession de toutes nos facultés physiques, cellulaires. Et chacune des cellules est revivifiée, chacune des cellules, parce que ce sont des entités individuelles aussi bien que collectives. Il y aurait lieu d'indiquer que par l'éther, nous ne référons pas à la forme d'anesthésique chimique. Bon, évidemment. Non, étendu, oui. Ni ne référons-nous pas à la lumière comme condition d'illumination visible à l'œil physique. L'éther et la lumière, telles qu'employées ici, sont des vibrations de substances atomiques entièrement au-delà de la portée des sens physiques. Mais vous possédez des perceptions sensorielles en accord à ces vibrations, et le développement de ces sens étendus sont ce que l'on appelle communément les perceptions extrasensorielles. Précisément, perceptions extrasensorielles. On parle de la capacité de voir notre aura, de voir l'aura d'autrui. Maintenant, quand on a atteint cet état où toutes les cellules ont été revivifiées, et que leur mouvement est accéléré, non seulement êtes-vous conscient de votre champ magnétique, de votre aura, mais vous pouvez le mobiliser à volonté. L'exercice que l'on recommande, qui c'est facile à reproduire, c'est vous tenir devant un miroir, probablement, préférablement un grand miroir, et voir jaillir votre énergie. C'est dans la semi-obscurité, juste une petite chandelle à peine en arrière de vous, et à chaque respiration, vous voyez votre champ magnétique se dilater. Le premier exercice qu'on a recommandé, c'était d'abord vous déboucher les tambours des oreilles, afin de réveiller la glande pinéale et de respirer bilatéralement par les deux narines, afin que vous, non seulement vous sentiez votre cœur battre ici, au centre christique, mais que vous sentiez votre aura se répartir à chaque pulsion cardiaque. Et là, vous en devenez conscient. Alors, tout ce que je peux dire, c'est, mais je ne suis qu'un œuf de lumière. Mais très bien, mais cette lumière-là, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Et à chaque respiration cardiaque, vous sentez que l'énergie s'insuffle en vous. Et ça peut se cultiver indéfiniment et continuellement. Et vous devenez de plus en plus énergique et conscient de votre énergie qui, normalement, est presque ankylosée ou presque en léthargie. Alors, quand vous pratiquez ce gestuel-là, dès que les centres endocriniens ont été bien développés, bien vivifiés, là, vous pouvez mobiliser votre énergie à volonté et la distribuer dans votre propre organisme aussi bien qu'à la ronde. Tout comme la substance existe en trois états définis de vibrations atomiques, ainsi en est-il de l'énergie. Les trois états de l'énergie au-delà du domaine de l'intelligence, on a vu ça aussi la semaine précédente, oui, là, oui, justement. Matière, éther, qu'est-ce que c'était après Et la lumière proprement dite. Lumière, ensuite c'est l'intelligence. L'intelligence, hein. Oui. Okay. Mais là, l'intelligence n'est pas descriptive, on la réalise rien que par ses effets. OK, alors là, on nous dit les trois états de l'énergie au-delà du domaine de l'intelligence, donc le cinquième, sixième et septième, là, exactement. Sont le feu, l'espace et l'esprit. Ici encore, nous sommes handicapés par l'utilisation d'expressions qui sont tout à fait insuffisantes pour nous donner leur signification intentionnée. Nous traitons d'énergie planétaire, le feu, d'énergie solaire, l'espace, et d'énergie spirituelle, puisqu'elle se ramifie dans l'univers de notre système solaire, les planètes et les étoiles sont une partie indivisible. Toutes ces dimensions supérieures sont l'indicatif de plans au sein desquels la vie se manifeste au niveau d'activités spirituelles planétaires, solaires et universelles. Maintenant, voyez-vous, cette description-là, rien qu'en termes de mots ou de phrases, ne peut pas vous donner d'impression véritable. Mais quand vous l'avez prouvé une fois, vous comprenez la totalité de cette gradation. Parce que l'énergie étant vibratoire, on peut la compter, par exemple, on peut compter le mode de vibration de certaines notes, hein, qui vont toujours en se modifiant dans une octave. Alors, il y a une gradation dans ça. Alors, vous êtes conscient de ça, que votre énergie est décuplée, centuplée et multipliée à l'infini, comme ça. Parce que l'énergie, c'est la vibration, c'est un mode vibratoire. Et ça monte toujours en spirale. Et naturellement, le plus haut niveau de la spirale, c'est le spirituel, que le feu. L'homme ne possède pas seulement un triple corps au niveau physique, éthérique et astral, mais aussi un triple esprit, quoique seulement à l'état embryonnaire, qui fournit un contact potentiel avec les mondes au-delà du domaine de l'esprit. L'esprit, c'est un mode vibratoire. Celui auquel nous pouvons avoir accès est limité à notre capacité de perception. Mais dire qu'on pourra aller au-delà de l'esprit, c'est-à-dire qu'on pourra aller au-delà de l'espace. On parle souvent d'hyperespace, et quant à l'espace, on lui donne trois dimensions classiques. Mais quand on parle de l'hyperespace, on ajoute une quatrième dimension, que l'on dit simplement une octave supérieure de ce qui existe à notre perception. Alors, quand on va au-delà d'esprit objectif, on pourrait l'appeler objectif, là, on tombe dans un domaine qui est au-delà de la perception purement sensorielle. Alors là, on dit cet esprit, c'est la mère universelle, l'anima mundi, pour employer le terme des anciens platoniciens. Alors, là, on dit on tombe dans l'esprit pur. Et l'esprit pur, on y a accès dès que l'on a dépassé les capacités sensorielles. Et tout exercice spirituel, exercice initiatique, vise à forer un chemin à travers ce dédale qu'on appelle l'esprit subjectif. Et quand on passe à travers ça, c'est pareil comme ouvrir le diaphragme d'un appareil et la lumière y paraît, d'un appareil photographique, je veux dire. Et la lumière y pénètre avec toute sa capacité d'impressionner. Avant que ce diaphragme ait été ouvert, alors il n'y a pas de possibilité d'impressionner un pellicule, si on compare le corps à un pellicule quelconque ou un dispositif, ouais. Alors cette lumière-là est éblouissante, c'est la lumière qui dépasse toute capacité de photographie. Bon, là, je vais essayer de déchiffrer la suite, là, mais je vous promets rien. C'est des notes personnelles là, que vous avez mises à la main. Je vais essayer. Oui. Alors, je reprends le chapitre. Voyez-vous, on a la difficulté est obligée d'exprimer par des mots communs des choses qui dépassent la perception objective. Oui, on s'en limite, n'est-ce pas? Oui, vous avez mis une petite note personnelle là, écrite à la main, donc je vais essayer de la déchiffrer. Là. L'homme ne possède pas seulement un triple corps au niveau physique, éthérique et astral, mais aussi un triple esprit, quoique seulement à l'état embryonnaire, qui fournit un contact potentiel avec les mondes au-delà du domaine de l'esprit. Ces deux triples structures atoniques, ça se peut-tu? Oui. Atomiques, oui. Sont liées par et à un triple esprit, comprenant la substance mentale, l'intelligence pensante et l'énergie mentale. Ce qu'on appelle la cogitation, proprement dit. Alors, cogiter, c'est simplement agiter les pensées qui existent déjà à l'état latent en nous. Mais c'est encore traité avec du déjà connu. Alors, au-delà de ça, il y a quelque chose qui est latent et qui entre en jeu dès que l'on a dépassé les choses préacquises. Alors, ça rend, c'est ni plus ni moins contacter l'âme universelle, se brancher sur l'inconscient collectif d'abord. Oui, mais au-delà de l'inconscient collectif, l'âme de la race, il y a l'âme universelle. On fait une distinction. Alors, est-ce qu'il ne conviendrait pas mieux peut-être de parler d'esprit pour faire une distinction entre l'âme collective et oui, puis l'âme l'esprit pur, universelle? L'esprit pur, c'est le feu en spirale, ouais, qui est à travers tout l'univers comme ça. Alors, il y a tellement de subtilité dans ce domaine-là, c'est difficile de s'exprimer. C'est rien quand on répète, comme vous avez l'occasion de le faire, quand vous écoutez vos cassettes, d'un coup ça vient, ah, là je comprends ce qu'il veut dire, bon, hein? Mais vous même connaissez pour agiter vos pensées, comme vous dites, agiter les pensées, là, vous oui, les connaissez ça. Parce que la cogitation puis l'agitation, c'est pas mal la même chose. Hein. Ouais. Des fois, ça pense simplement en nous. Ça se voit aussi dans l'écriture, ça paraît oh, que oui. La pensée est agitée. Là. J'étais dans pleine phase de créativité intense. Là. Bon, on va essayer de déchiffrer la suite. Alors, il dit ici, ceci est ce point auquel nous nous limiterons dans cette leçon pour indiquer la correspondance entre l'univers septuple et l'homme septuple, entre les sept mondes de l'autre environnement et les sept mondes du soi intérieur. L'idée ultime, c'est ceci, de penser en puisant dans l'âme universelle, dans l'inconscient collectif, comme dirait Jung, tout ce qui est possible d'accepter en nous et de penser collectivement, avec l'âme collective, afin que ça pense en nous, au lieu de simplement de s'agiter, tant bien que mal. Alors, on s'ouvre à cette grande mer de pensée et on constate que c'est infiniment plus riche que ce que l'on peut ajouter nous-mêmes dans nos souvenances. Donc, vous faites une différence entre le fait que le cerveau est un organe émetteur-récepteur, donc qui reçoit des pensées, celles de l'inconscient collectif, oui. L'inconscient collectif, et qu'il n'a pas possibilité à ce moment-là d'exercer une certaine forme de discrimination face non, à ce qu'il reçoit. Et l'important, voyez-vous, c'est d'établir des distinctions entre les pensées qui nous sont projetées, soit par autrui ou par notre cogitation ou agitation intérieure peut dire « Maintenant, ce n'est pas plus moi qui pense. Ça pense en moi, je n'ai qu'à bien observer et me forcer de comprendre ce qui s'agite en moi. » Mais ça vient d'ailleurs. Alors, ça vient de l'homme universel, de l'homme de la race. Oui, de cette pensée imposée, par la suite, on monte à un étage supérieur où il y a lieu de parler de pensée créative à ce moment-là. Oui, là, vous êtes dans le domaine de la pensée pure. Dans le domaine de la pensée pure, ça, c'est l'esprit pur. L'esprit pur, hein. Alors là, il n'y a pas de qualification aucune. La qualification dépendra de votre formation. Si c'est pour un musicien, par exemple, ça se mélange, ça se manifestera sous forme de phonème. Hein? Un autre, un artiste, ça sera des fantasmes. Hein? Un poète, ça sera de la poésie. Hein? Alors, ce sera toujours la même inspiration, mais ça viendra au-delà de la pensée collective. Maintenant, où placez-vous là-dedans les archétypes? Ah, ben, les archétypes existent depuis le début de la race humaine. Depuis que la race humaine. Vous nous expliquer un peu c'est quoi les archétypes, oui. Parce que ça rentre quand même dans le domaine de la pensée, c'est important. Justement, tous les mythes que la race humaine a créés, que ce soit avant les races égyptiennes, gréco-romaines, ce sont des impressions qui ont été imposées à l'homme pour lui faire comprendre ce qui dépassait sa perception sensorielle. Imposées par qui? Par l'homme universel même. Les archétypes font partie du début de la race humaine. Depuis que la race humaine occupe le plan terrestre, elle a pensé et elle a été influencée par des pensées venant de ses guides. Alors, ces pensées-là existent toujours en permanence et elles s'imposent périodiquement dès que l'homme humain, individuel ou collectif, est capable de s'y ouvrir. Alors, les archétypes s'imposent. Jung a bien précisé ça, l'archétype. Il y a des archétypes. L'archétype, par exemple, de la patrie, c'est un égrégore. Oui, c'est un égrégore, on peut dire. La patrie, on pourrait dire péjorativement, c'est un. Le patriotisme, disons, c'est un égoïsme national partagé par une grande collectivité. Alors, bien. On a tous cet archétype. C'est un archétype, en nous, justement. C'est un archétype. L'archétype de la race, il est limité. Bon, il y a l'archétype du sauveur aussi, que tout le monde. Justement, oui, il y a toujours un sauveur. Le sauveur qui aussi bien dans les temps préhistoriques, il y a toujours eu le sauveur. C'est-à-dire le révélateur des archétypes, proprement dit. Oui. Il y a l'archétype du père aussi, l'archétype ben oui, de la mère. L'ancien des jours, le père de la mère. Oui. Nous autres, on l'a exemplifié sous la forme de nos mythes christiques, même aussi bien les mythes christiques. La mère Marie, la mère universelle, n'est-ce pas? Alors ça, ce sont de grandes pensées fortes. Ce sont des grandes pensées qui se manifestent, en l'occurrence. On va prendre, par exemple, les apparitions mariales, c'est de l'archétype. Hein? Les mêmes se sont manifestés aux Indes. Il y en a eu 25 ou 26 aux Indes. Alors ça, c'est un archétype, l'archétype de la mère. Hein? Bon, alors, et celui du père aussi, l'ancien des jours. Bon, alors si ça fait partie de notre patrimoine collectif, notre héritage collectif, supposons qu'un conférencier ou un orateur ou un homme politique, là, ait une grande connaissance des archétypes. Il pourrait amener les gens collectivement à faire ce qu'il veut en faisant vibrer ces archétypes. En puisant, oui, justement. Oh, oui, c'est ça qui fait la force des. Je ne parlerai pas des démosthènes, mais des démagogues de tout acabit. Hein. Alors, dès qu'ils invoquent ou qu'ils réveillent cet archétype, ils s'emparent de toute la race. C'est l'hypnose de masse, peut-être bienfaisante ou malfaisante. On l'a vu dernièrement. Dans les politiques nationales. Mais c'est dans le cas d'Adolf Hitler, par exemple, c'est ce qu'il a fait. Il a joué avec les archétypes. Précisément, oui. La mère patrie, de la race supérieure, justement, etc. Oui. Alors tout ça, ces archétypes sont des pensées primordiales qui sont maintenant consolidées, qui font partie de l'âme de la race, et dès qu'on peut déclencher le bouton qui nous met en contact avec, ça s'impose à des masses tout entières. C'est l'influence de masse. OK. C'est intéressant. Et ça, ces choses-là, on les sent après un certain temps. On dit ça, c'est pas des pensées que j'ai originées, et ça m'a été imposé, et toute une foule pourra subir la même impression, si l'homme est assez dynamique pour l'imposer. Ça exerce un phénomène de contagion absolument, collective. Oui. C'est-à-dire qu'il suffit de bien faire vibrer ces cordes très sensibles, d'idées forces dans l'âme humaine, précisément. Pour que alors l'âme humaine devient collective, devient unifiée. Non, dans ce cas-là, l'âme humaine devient unifiée. Ça fait une seule entité. En fait, c'est comme ça que les nations sont dirigées aussi. Exactement. Ben oui. Alors, les égrégores de la race sont toujours en permanence. Hein. Puis les races qui nous ont précédées existent encore, c'est-à-dire l'égrégore de ces races-là existe encore. Et pensez-vous qu'une personne qui se conscientise, là, ou entreprit une émancipation de la conscience, pensez-vous qu'elle va encore vibrer facilement aux archétypes sous l'effet d'un orateur habile, etc.? Oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle a suffisamment de discernement pour voir où on veut l'emmener? Ça dépend tout du discernement, ça, parce que l'influence vient d'ailleurs, puis quand vous écoutez, ben vous êtes passif, n'est-ce pas? L'orateur, le démosthène, lui, est actif. Il vibre. Il dirige son énergie. Les autres la puisent. Hein. Maintenant, s'il est mal intentionné, parce qu'il n'est pas forcément... Le même effet. Oui. Mais y a-t-il une façon de se prémunir? Alors, il s'agit de ne pas rester passif, de raisonner. Alors, dès que vous raisonnez, que vous questionnez votre orateur, votre démagogue, immédiatement, vous l'empêchez de vous pénétrer, de vous influencer. On a un bel exemple dans ça, dans Jules César, n'est-ce pas, de Shakespeare, hein? Quand mes amis, prêtez-moi vos oreilles, hein. Je suis pas venu pour louer César, je suis venu pour l'enterrer, hein. Mais finalement... Alors ça, c'est l'influence de masse. En puisant sur l'archétype, cet égrégore collectif qui est en puissance, qui domine toute la planète dans un certain domaine. On se sert de ceci dans les campagnes politiques, absolument, publicité, la télévision, partout. Oui. On tient compte de notre psychologie pour nous faire aller dans une certaine direction. Exactement. On est un peu manipulé. Manipulé, le terme est exact. Un peu beaucoup. C'est exact, oui. Mais les politiciens doivent d'abord cultiver ça. Le reste, ça n'a pas grande importance. OK. À la lumière de cette discussion, enfin de celle qui est là dans le chapitre, pas de la nôtre certainement, à la lumière de cette discussion, il deviendra apparent que l'homme peut accéder, comme homme, seulement aux quatre premiers plans de vibration atomique. Il obtient l'accès à une maîtrise éventuelle de ces quatre plans à la faveur des moyens qui suivent. Sur le niveau mental, en concentrant sur le but. Sur le niveau astral, par l'exercice du désir. Sur le niveau éthérique, en se conformant au plan. Et au niveau physique, en se vouant à l'action. Justement, l'action, c'est l'émanation de son énergie. Un homme qui est persuasif ne l'est pas parce qu'il a un beau langage. C'est un beau parleur, c'est parce qu'il émane de l'énergie qui est véhiculée par une pensée dirigeant vers un but. Alors, ces trois plans de conscience, fusionnés ensemble, influencent les masses. Enfin, il n'y a pas de limite à ça, parce que l'influence est collective. On voit ça sur, dans tous les plans. On dit ici, donc, sur le niveau mental, en concentrant sur le but, d'accord? Justement. Mais sur le niveau astral, par l'exercice du désir, je comprends pas ça. L'énergie qui était... Le niveau astral, c'est l'énergie du désir, mais le désir, c'est la force vitale, n'est-ce pas? Alors, en plus la force vitale ou de la force? La force, oh, peut-être. Oui, c'est la force vitale. Et dans un discours, il y a une grosse dépense d'énergie, n'est-ce pas, dans une harangue quelconque. Alors, cette énergie-là s'émane et elle est puisée par les auditeurs qui sont réceptifs. Alors, les auditeurs sont ni plus ni moins les victimes de ce démagogue. Mais ici, donc, par l'exercice du désir, est-ce que ça veut dire une certaine forme de mise en condition? Oui, désir, c'est l'émanation d'énergie. C'est alimenter une pensée quelconque de l'énergie vitale que l'on détient. On l'emploie surtout dans les exercices de visualisation, que ce soit visualisation collective ou bien visualisation individuelle. Il faut désirer une chose pour lui donner de la force. D'abord, la visualiser ou bien la préciser verbalement, si c'est collectivement, et ensuite de ça, y mettre l'énergie de votre désir. Si vous n'avez pas de désir, vous aurez beau visualiser pendant des semaines, vous ne verrez rien. Pour que l'image soit claire, précise, mais il faut qu'il y ait suffisamment de lumière derrière le diapositive pour la projeter sur l'écran. Si l'écran est matériel, très bien. Même si c'est spirituel ou mental, l'écran est le même. C'est un écran tridimensionnel. Ça se réalisera toujours. Il faudra le désir de réussir. Autrement dit, le désir, c'est une façon d'ambitionner. Absolument, mais oui, oui, oui, oui. Le désir, l'ambition, tout ça, oui. C'est une volonté émotionnelle, un peu. Possiblement, oui. Okay. Ouais. Alors, sur le niveau éthérique, en se conformant au plan, ça veut dire quoi? À quel le plan? Le plan, c'est ce qu'on a proposé exécuter. Alors, le plan doit être bien programmé, et quand il est programmé, puis il est bien exprimé, verbalement ou visuellement, alors il se réalisera proportionnellement à l'énergie du désir que vous détenez et que vous communiquerez à la ronde. Et au niveau physique, on se voit à l'action. Justement, à l'action, oui. Alors, l'action, quand l'action est déclenchée, le phénomène se passe. Un phénomène social, un phénomène domestique, quel qu'il soit. Okay. Alors, voici donc ce qu'ils disent ici, voici les clés de l'initiation qui ne doivent jamais être oubliées à mesure que vous étudiez cet enseignement. Seulement si vous spiritualisez ces concepts, seulement si vous incorporez la divinité dans votre but, la compassion dans votre désir, moi j'ai parlé de ça toute l'après-midi, la compassion, la dédication dans votre plan et l'altruisme en action, vous pourrez progresser le long du sentier à la libération ultime de la nécessité de la réincarnation. Bon, oui, on va en parler prochainement de ça, t'sais. Il y a des gens qui, un très grand nombre de gens qui doutent de cette possibilité-là de réincarner ou la nécessité de réincarnation. Mais c'est un fait universellement reconnu maintenant. Ceux qui veulent pas s'en soucier ne veulent pas l'admettre. Mais dès qu'on on muse un peu sur le sujet, on dit que si tu ne sais tout, se réincarne la nature. Alors, mais quand on a bien compris ce cheminement que l'on fait, on n'a plus aucune nécessité de se réincarner, de recommencer à faire une nouvelle vie. Passer par le même cheminement. Si vous incorporez la compassion dans votre désir, autrement dit, la compassion, c'était une forme de miséricorde, oui, justement, oui. Faculté de transmuter le mal en bien. Exactement, ben oui. Alors là, on obtient des résultats bienfaisants pour soi-même, par répercussion, aussi bien pour autrui. Alors c'est toujours la loi d'amour, hein? La loi de compensation, de récompense, quoi. À condition qu'on ne vive pas entouré de requins, parce que si on s'ouvre tout grand à la compassion, il y a bien du monde qui va rentrer par là. Afin que nous puissions réduire cette explication à ses principes fondamentaux, en interprétant le septenaire en trinité et la trinité à l'unité, nous devons étendre le pivot du clavier cosmique en exprimant l'intelligence en termes du premier, du quatrième et septième dimension. Voici. Alors, premier matière, oui, justement. Quatrième intelligence, oui. Et septième l'esprit. Esprit, oui. Alors, c'est simplement un clavier. Le clavier, c'est une très bonne illustration que l'on prend pour ça. Alors, ça, c'est parfait. Maintenant, je suis vraiment conscient, malgré qu'on s'était évertué pour l'expliciter le mieux possible, qu'il y a des phrases qui sont assez ambiguës, hein, des grandes phrases, Victor Hugo. Mais si vous écoutez ces versets-là, ou, je ne dirais pas des versets, mais ces paragraphes-là, lentement, vous direz, ah, je comprends ce que voulait dire le bonhomme, hein? En attendant, c'est, oui. C'est une graine dans, oui, oui. Alors, dans notre c'est, cerveau. Oui. Mais un paragraphe, un court paragraphe comme ça, vous le répétez une couple de fois, ah, là, je comprends. Puis là, vous sautez au suivant par la suite. Puis ça s'enchaîne véritablement. La matière est substance mentale. Oui. Ceci a déjà été prouvé en laboratoire. Oh, effectivement. Les pensées sont de nature électrique. Elles pèsent. Elles ont la pesanteur, une pensée de la pesanteur. On l'exemplifie par l'électroencéphalographe, n'est-ce pas? Bien d'autres choses aussi. Alors, la pensée est seulement vibratoire, très subtile, mais plus une force est subtile, plus elle est efficace, plus elle pénètre la matière. On dit la. L'esprit pénètre tout. Et quand il pénètre, il influence la matière, il s'incorpore. Et il engrosse la matière de sa nature. Alors la matière et l'esprit sont tous les deux substantiels. L'une est subtile, mais elle pénètre graduellement et lentement. Mais elle pénètre profondément dans la matière, à tel point qu'elle lui donne naissance. L'esprit, c'est le spermatozoïde, la matière, c'est l'ovule, et puis ce qui en résulte, c'est de la conscience. Oui, oui. Alors là, c'est une belle synthèse que vous faites là. Alors, c'est exactement ça. L'esprit engrosse la matière, et la matière accouche de l'esprit, l'idée conçue par l'esprit. Donc, la matière est substance mentale, ceci a déjà été prouvé en laboratoire, les pensées sont de nature électrique. L'électricité est une forme d'énergie atomique. Toute énergie atomique est matière quand elle est précipitée sous forme chimique. Oui, voyez-vous, la pensée est une forme d'électricité. L'électricité, on ne peut pas prendre un électron et dire « voici un électron ». Mais si on a une chaîne d'électrons, là, on a un phénomène de vibration, force motrice, force lumineuse, force calorique, etc. Mais ces électrons, ce sont des entités invisibles, mais c'est parce qu'elles sont invisibles qu'on ne peut pas les attaquer, mais elles sont efficaces. Elle travaille à notre insu. Donc, la pensée, c'est une force électrique. Électrique, véritablement. Puis toute forme d'électricité produit un effet dans la matière si on sait comment la canaliser. On a parlé pas mal du processus de visualisation qui consistait à faire des images mentales jusqu'à ce qu'on sente que l'on fatigue mentalement. Si vous pensez avec beaucoup de vigueur et soutenance à un certain sujet, vous allez remarquer que votre pulsion cardiaque, votre respiration est accélérée. Vous pensez, vous respirez plus rapidement quand vous pensez vigoureusement. Vous pouvez observer ça. Vous pouvez l'observer avec... Alors, vous dépensez de l'énergie. C'est de l'énergie, c'est une énergie électrique, une énergie subtile. Et elle existe aussi bien dans vos programmes d'action que dans la matière. Alors, l'énergie la plus subtile et la plus efficace, la plus dynamique, c'est encore la pensée. La pensée soutenue, alimentée par l'énergie du désir, de réalisation. L'esprit est énergie mentale. Oui. Cette conclusion procède de l'expérience précédente, en notant que l'énergie atomique et la substance atomique sont divisibles l'un dans l'autre. La pensée est toujours le dénominateur commun. L'esprit, comme la matière, est une phase de la pensée, l'énergie qui donne la vie à la forme. La matière est la forme qui donne à la vie l'opportunité de se manifester. Bon, maintenant, la matière, c'est le résultat, c'est l'accouchement de l'esprit, n'est-ce pas? Et quand l'esprit pénètre la matière, son mode vibratoire est ralenti, et comme résultat, il devient visible, tangible, palpable. Mais c'est encore l'esprit coagulé qui a cessé de vibrer à son mode original, et elle devient visible et tangible pendant un certain temps. Et tant que l'énergie qui lui a été infusée n'est pas disparue, la matière existera. Ça s'applique à tout. La pensée est intelligence mentale en mouvement. Cette définition procède d'observation que la fonction de l'intelligence est de penser. Un tel pensée suggère l'utilisation d'une mémoire afin d'enregistrer le processus. La mémoire permet à l'intelligence d'emmagasiner son expérience et de rationaliser son progrès. La rationalisation mène à la compréhension, et la compréhension mène à l'exercice de la véritable intelligence, l'art de penser efficacement. Bon, voici. Alors, le matériel que l'on a, c'est les impressions qu'on a emmagasinées, accumulées depuis le début de notre œuvre, la perception du monde matériel. Ça, c'est notre matériel en main. Tout comme un ouvrier, un artisan, un architecte se sert de matériaux déjà existants pour créer sa conception. Alors, les pensées que l'on a emmagasinées nous servent de matériel à penser. Et ce matériel-là est déjà quelque chose de dynamique, que l'on a qu'à mettre en branle puis associer. Et quand on a associé ça de manière cohérente, là, la matière existe, selon le plan que l'on y aura introduit. C'est un processus un cheminement, pareil comme le cheminement de la création d'objets matériels. Seulement, vous travaillez de la matière plus subtile. Et graduellement, ça devient de plus en plus grossier. Et finalement, vous avez devant vous l'objet de votre création. Mais comment se fait-il qu'on ne soit pas capable d'éliminer des pensées qui nous font souffrir, par exemple, qui reviennent constamment? Oui, ben ça, c'est quand on pense... Moi, ça se fait aussi qu'on les a acceptées, ces pensées. Oui, aussi, on peut penser émotionnellement et ne pas être au courant que les émotions que l'on entretient sont néfastes. Donc, de l'émotion dans la pensée, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, oui. Il faut être objectif. Et si on pense abdominalement, comme on pourrait dire, alors les émotions du plexus solaire détruisent l'ordre établi dans notre vie. Alors, la pensée et l'émotion sont deux niveaux différents. L'une est aveugle, elle est forte, elle est aveugle. Elle va dans toutes les directions, mais la pensée, lui, la redresse. Donc, il y a un déséquilibre s'il y a prédominance du plan astral sur le plan mental. L'émotion est simplement de la force, tandis que la pensée est de l'intelligence. La pensée est conditionnée par une intention préliminaire. Alors, il y a un but à atteindre. Alors, quand les pensées sont dirigées vers un but, les émotions ne doivent pas entrer en jeu. Autrement, ils détruisent ce cheminement. Dévie l'idée primordiale. Donc, il ne peut pas y avoir de volonté réelle s'il y a pénétration d'émotions dans la pensée. Non, parce qu'il y a une déviation de l'idée originale. C'est ça qu'il faut faire attention. Là, le jugement entre en jeu, puis l'expérience aussi entre en jeu. Et la discipline personnelle aussi. La mémoire permet à l'intelligence d'emmagasiner son expérience et de rationaliser son progrès. La rationalisation mène à la compréhension et la compréhension mène à l'exercice de la véritable intelligence, l'art de penser efficacement. Oui. Ben, c'est là que l'intelligence, cette faculté, ce joyau de tout l'appareil cérébral et spirituel. Alors l'intelligence, c'est de voir à l'intérieur de tout le cheminement de notre vie. Basé sur l'expérience des autres aussi bien que la nôtre. Alors, avant tout mode de pensée, il doit avoir une idée intelligente. On pense pas n'importe comment ou à n'importe quoi. On pense avec une direction quelconque. Alors, l'intelligence, c'est la sagesse même. La sapience, on pourrait dire plutôt. La sapience. Savoir ce que l'on veut et diriger toute notre attention dans cette direction-là. La matière, l'intelligence et l'esprit, par conséquent, se réduisent en la pensée, se manifestant en trois états d'activité consciente, respectivement la substance, l'intelligence et l'énergie. Ah. Oui, vous avez les trois encore, corps, âme, esprit, n'est-ce pas? Bon, alors l'énergie, c'est le substratum qui existe à travers tout ce cheminement-là. Et c'est comme si on disait que je vais me baser rien sur ma force émotionnelle pour réaliser quelque chose, mais il y a une force énergie qui est transfusée. Alors là, on emploie cette forme d'énergie-là, que l'énergie vitale, que l'énergie de la race, quoi. Alors, ce n'est pas une énergie émotionnelle, proprement dit. L'émotion, proprement dit, est toujours égocentrique. Tandis que l'intelligence pure, qui sert de l'énergie vitale, va pas exocentrique. Alors, ceci est la trinité supérieure de la création, et la personnalisation de cette trinité est ce qui donne à la religion son cachet sectaire. Oui, justement. Alors, la religion, comme son thème l'implique, c'est relier les plans supérieurs aux plans inférieurs. Maintenant, bien des groupes, depuis les temps immémoriaux, ont devisé différents moyens d'atteindre cet état idéal, de harnacher toute l'énergie physique que l'on détient sur tous les plans aux plans supérieurs qui nous dépassent. Alors, il y a des sectes. Il y en a toujours eu, puis il y en aura encore, qui ont dévisé différents moyens. Mais le moyen, c'est de réaliser la possibilité de se brancher sur l'inconscient collectif, sur l'infini, sur l'impersonnel, pour faire notre vie personnelle dans tous ces aspects. On peut déjà voir qu'une correspondance peut être tirée entre l'univers septuple de Dieu et la civilisation septuple de l'homme. Tout ce qui existe dans la nature doit avoir sa contrepartie dans la création humaine. Si cette dernière doit achever sa pleine identification avec la réalité cosmique ou divine. Par conséquent, toute véritable instruction ésotérique doit être en relation au concept spirituel avec le processus matériel de la vie physique, telle qu'elle doit s'appliquer à la vie personnelle et collective. Notre souci immédiat, alors, avant que nous quittions le sujet du contrôle de l'homme avec son environnement physique, est de trouver les points de correspondance entre le système de l'économie qui opère dans l'univers matériel et ce qui est possible d'opérer dans la civilisation humaine. Certainement, il est nécessaire de postuler une forme avancée de civilisation dans laquelle les gens, en général, ont dominé certaines des faiblesses prévalentes dans le caractère humain, telles que la cupidité, l'envie, la crainte, l'orgueil et l'oppression d'autrui. Espérant que dans la poursuite de l'affluence et la sécurité, vous atteindrez vos fins sans monopoliser, dérober, dominer ou contribuer au malheur de vos semblables. Voici la nature dans ses sept ans de manifestation est généreuse, surabondante. Et il y a de tout pour tous, on peut dire ça, sans exagérer. La Providence travaille incessamment. Mais seulement, il y a des monopolies qui se font à cause des tares caractériels que l'on vient de décrire, la cupidité, l'envie, le désir de dominer, etc. Mais il y a de l'énergie et de la matière et de la richesse en abondance dans l'univers, partout, partout. Il s'agit de l'empêcher de rester stagnante, et de le libérer à la ronde. Et quand le monde aura suffisamment compris cet état idéal, là, on aura véritablement atteint un état de surabondance pour toute la race. Afin de poursuivre une vie dans laquelle la totalité de vos énergies et la totalité de votre substance ont été vouées au plan divin pour l'ordre et la concorde mondiale et de connaître la fraternité humaine. Bon, il y a un point là. Dès que vous prenez contact avec cette fraternité, à travers laquelle les êtres parfaits de la Terre servent, vous serez heureux d'être finalement devenu impliqué dans la véritable direction spirituelle. Rien n'a plus d'importance que de faire cette préparation requise afin de devenir un exécutif spirituel de votre plein droit. Cet enseignement est désigné à vous conseiller dans votre élévation au statut d'initié. Ce degré de perfection n'est possible que par votre reconnaissance consciente de la part que le destin vous décrète, qui doit s'exercer dans l'édification du royaume du Christ sur la terre. Bon, voici. Alors, nous avons été mis sur terre intentionnellement par le Créateur, qui nous a créé à son image, qui nous a doué des mêmes propriétés, des mêmes facultés que lui possède, et que l'on doit développer au maximum afin de nous-mêmes devenir créateurs. La création est harmonieuse, elle est bienfaisante. Et l'intention du Créateur fut que nous devenions ainsi nous-mêmes bienfaisants, bienveillants. Et nous poursuivons l'œuvre de la création. Le Créateur a débuté le processus, nous devons le continuer. Alors, et le royaume des cieux consiste simplement à agir en Créateur nous-mêmes, proportionnellement à nos capacités. Et l'idéal, c'est de développer nos propres capacités, afin d'être de plus en plus digne de la mission qui nous a été confiée. Alors, ça, c'est le but de toute initiation. Réaliser que nous sommes des répliques de notre Créateur et que l'on doit faire, toujours proportionnellement à notre capacité, notre entendement, la même chose que lui a toujours fait et continue à faire. Créer nous-mêmes, en surabondance, afin que la race tout entière devienne créatrice. On parle ici donc de l'édification du royaume du Christ sur la terre. Oui. Vous, qu'est-ce que vous entendez par ceci? Ben voici, c'est quand chaque individu réalisera que ce qui fait son être est véritable, ce n'est pas nécessairement son intelligence objective, et sa position sociale, ni sa capacité de compréhension du monde matériel, c'est de devenir un être radiant. Le Christ, c'est une énergie, c'est l'énergie solaire. Hein? Bon, alors cette énergie-là est non seulement la vitalité, la vivacité et de la croissance, c'est aussi de la production. Hein? La production. Alors le royaume du Christ, le royaume des cieux, ça sera d'établir sur la terre les mêmes conditions qui devra exister dans tout le royaume céleste. Dans tout royaume. Donc c'est le royaume de la conscience christique. La conscience. Si on peut observer ce qu'on nous a dit plus haut, oui. Que la personnalisation de la Trinité est ce qui donne à la religion son cachet sectaire. Oui. On va parler de conscience christique. Justement, alors la conscience christique, c'est réaliser que nous sommes une réplique du Créateur, une copie véritable, douée des mêmes facultés, et que notre devoir, notre fonction, notre destin, c'est de réaliser, d'exemplifier, d'exercer ces facultés-là, ces facultés créatrices, c'est de devenir, dans notre environnement, des dieux nous-mêmes, des créateurs. C'est pour ça que l'on a été créé. Nous avons créé son image pour qu'on répète son image à travers toute la création. De passer de la créature au créateur. La créature au créateur, oui. Alors, on nous dit ici, reviser cette section fréquemment, même après avoir dépassé d'autres portions de cette leçon. Elle contient des implications de valeur profonde. Le secret de la perfection humaine réside dans l'achèvement de l'équilibre au pivot de l'intelligence. Alors, la perfection, elle consiste simplement en ceci, à réaliser pleinement, en être tout à fait conscient de ce que l'on est, des répliques du Créateur, qui avons la même fonction que lui, la mesure de nos capacités. Et quand cet état d'esprit-là de compréhension, de réalisation sera établi, alors le monde changera tellement que ce ne sera plus la même chose. Le monde devra vraiment spiritualiser, ce sera l'esprit. Alors la matière n'aura plus d'existence comme inertie, la matière sera du mouvement, parce que la matière sera vraiment mobilisée, christifiée, spiritualisée. Et ça vient graduellement. OK. Alors, pour ce chapitre-là, c'est la fin. La section suivante, là, on va l'aborder. Il nous reste 5 minutes. On va commencer l'introduction. Le titre de ce chapitre-là, c'est « Prix et salaire dans la nouvelle économie ». Ah ben oui, tu vois, c'est important. Ça a l'air bien pragmatique, mais c'est important, très important. Parce... OK. Alors, on nous dit premièrement, avec le résumé précédent du clavier cosmique à l'esprit, nous allons maintenant vous introduire à sa traduction en termes du système économique du Nouvel Âge. Nous avons déjà amplement considéré les pratiques économiques du citoyen individuel. Il est nécessaire que nous donnions une considération équivalente au type d'économie qui posera les fondations pour le genre de monde émanant de ces concepts avancés du but le plus élevé de l'homme. Dans la leçon précédente, nous avons considéré le problème d'équilibre en calculant les revenus et dépenses de l'étudiant, un des aspects du processus économique impliquant la manière par laquelle il gagne son argent, et l'autre aspect impliquant la manière qu'il la dépense. Nous proposions alors une méthode de comptabilité qui sépare toute dépense en valeurs pour l'amélioration de soi, les activités positives, et les valeurs pour l'amélioration de l'environnement, les actifs négatifs. Nous avons recommandé en outre à l'étudiant d'établir un équilibre entre cette partie de son service qu'il dirige vers la perfection subjective, la spiritualité, et la perfection objective, la matérialité. Nous avons dit dans cette explication que la spiritualité et la matérialité sont mutuellement divisibles, un dans l'autre, quand ils sont bien compris, et tous deux sont essentiels à l'ultime maîtrise de l'homme tel qu'on les conçoit en termes du but divin. Le but de cet équilibre que l'on doit établir, c'est d'améliorer notre capacité de don, capacité de production, n'est-ce pas? Il y a une partie qui exige que l'on s'améliore afin de pouvoir donner plus. On dit, bien, on ne donne pas ce que l'on n'a pas. Alors, acquérir des capacités de don, de donner, de s'irradier, elle s'impose nécessairement avant de faire la distribution de nos richesses spirituelles, matérielles ou sociales. Alors, quand on fait l'équilibre de notre budget, le budget pécunier aussi bien que notre budget occupationnel, là, on arrive fatalement, inévitablement, à cet état-là, où on est dépositaire de tout notre matériel que l'on accumule à mesure que l'on progresse. OK, je pense qu'on va s'arrêter ici. Alexandre Lachance, on vous remercie beaucoup. Merci. J'écris mal. Excusez-moi. Ouais. Merci. Alors, heureusement que vous allez pouvoir les entendre, parce que je suis assez convaincu des fois. Non, il écrit très bien. Les phrases sont un peu ambiguës. Il a un esprit tellement créatif qu'il va rajouter à chaque fois autre chose, puis un peu des flèches à gauche, à droite. Il faut un peu déchiffrer, c'est un peu comme des hiéroglyphes, mais ça passe bien. On fait une petite pause de 20-25 minutes. je pense pas qu'on aura le temps de passer à des questions cette fois-ci, parce qu'il nous reste tout ce chapitre-là à entamer et puis à finir. Oui, mais j'ai l'impression que je vous donne de l'or, mais je pense que de l'or qui est beaucoup plus grand que toujours. Aussi ah, surtout. Oui. Tenez. Oui, mais il faut que l'or là soit plus... J'avais un séminaire aujourd'hui de Gematria, là. Ah bon. Puis j'ai fait la Gematria, autrement dit, l'analyse de la vibration du nom d'Alexandre Lachance. Autrement dit, son plan de vie, si vous voulez, ou sa balance karmique, puisqu'on parle justement d'actifs et de passifs karmiques dans cette leçon d'économie, là. Alors, ça nous donne Alexandre Lachance, là, les mots-clés de sa vie ou de son parcours, son plan de vie. Le premier, le plus important, là, la vibration qui le domine entièrement, en tout cas dans laquelle il est, c'est le mot « élu hein ». Élu, élite. Alors, on nous dit donc, dans cette vibration de ce nom, Alexandre Lachance, la grandeur d'âme et d'esprit, je pense que ça lui va très bien, noblesse de caractère, génie inventif, pionnier, du panache, s'il vous plaît. Oui, oui, oui, oui. Et fermeté. Alors, si vous avez été fidèle à tenir le grand livre suggéré à date, vous avez sans doute éprouvé une exaltation considérable et avez facilité jusqu'à un certain point la... Alors là, m'excuse, est-ce que c'est la sévérité ou la vérité ? Véracité, peut-être. Ou la véracité. Sévérité, la véracité. La sévérité de tout problème. Ah, c'est bien sévérité. Hein? Ok, alors. Ah oui, c'est chaud, d'austère et sévère. Alors, jusqu'à un certain point, la sévérité de tout problème financier que vous pouvez avoir rencontré préalablement à cette étude. Nous suggérons la continuation de ce grand livre tant que vous sentirez qu'il est nécessaire à diriger vos affaires consciemment le long de ces lignes. Avec le temps, ce grand livre ne devrait plus être nécessaire puisque vous serez automatiquement guidé dans l'accomplissement des exigences d'une économie équilibrée. Avant d'entrer dans une considération d'un autre concept de comptabilité karmique qui implique l'inventaire, nous devrions examiner certains facteurs qui contribueront à notre compréhension du nouvel ordre économique, nominalement les prix et les salaires. Dans toute discussion, il est important de se souvenir que ce n'est pas seulement de notre compréhension qu'il s'agit, mais de notre attitude envers le système dans lequel ces facteurs sont de plus... haute importance. Un savoir intellectuel de l'ordre économique s'obtient à travers l'étude universitaire qui a trait. Il n'est pas suffisant de guérir les maux préexistants. Alors là, c'est que de guérir les maux préexistants, là, mot, c'est écrit M-O-T-S, je pense que c'était M-A-U. Pas les mêmes mots, quand on parle. Mots de tête et les mots d'esprit. Alors, il doit y avoir une motivation spirituelle à l'adapter à des objectifs plus humanitaires. À moins que des gens de calibre spirituel puissent obtenir le contrôle de l'économie et lui faire servir le monde en vue du fondement du besoin commun, il y a peu d'espoir que les citoyens orientés vers le matérialisme puissent produire les efforts nécessaires pour le faire. Réalisant alors que l'argent, qui est devenu moins un médium d'échange que de contrôle, c'est vrai, est le cœur même de la crise affligeant l'humanité, le problème consiste à cultiver notre comportement vis-à-vis de lui, menant à la maîtrise de son potentiel. Car l'argent est un potentiel pour le bien ou le mal, selon la manière par laquelle le service peut être concentré et employé sous direction dans la poursuite d'œuvres constructives massives ou d'efforts destructifs tragiques. À mesure que vous vous préparez à devenir un des grands exécutifs spirituels du monde, vous êtes requis, comme faisant partie de votre éducation, de prouver que vous êtes capable de faire basculer la balance, significativement, pour ainsi dire, vers la construction et l'intégration de l'ordre mondial, et loin de la destruction des nations, qu'un moment de réflexion indiquera que c'est l'occupation première de notre temps. Nous avons déjà indiqué que la dépense d'énergie produit du service, et que la conversion de la substance pour la consommation humaine, à travers la dépense d'énergie, la richesse en résulte. La fonction de l'argent est d'évaluer le service rendu et la richesse produite, et d'équilibrer l'un et l'autre. Évidemment, une telle évaluation, pour être exacte, requérait l'exercice d'une intelligence peu ordinaire. Heureusement, avec l'invention de l'ordinateur, il est maintenant possible de calculer les valeurs préalablement non vérifiables. On peut maintenant voir qu'une correspondance définie existe entre la pensée et l'argent. Nous avons dit que la pensée existe en trois états fondamentaux d'activité atomique, la substance, l'intelligence et l'énergie. Nous observons maintenant que l'argent fonctionne en trois états fondamentaux d'activité économique, les unités de richesse, les unités monétaires et les unités de service. Alors, il y a donc une correspondance entre la pensée et l'argent. Précisément. C'est plus ou moins la matérialisation, la cristallisation de la conception. Et là, peut être utilisé pour des fins prédéterminées, alors que l'intelligence mise en branle produit le matériel qui devrait être employé pour s'agencer par la suite. Bon, simplement, est-ce qu'on peut dire que la richesse ou la pauvreté dépend de la façon de penser d'une personne? Exactement. Alors, si on pense égoïstiquement dans le sens qu'on ne pense rien pour soi, ben, on ne peut jamais être utile. Alors, si on a besoin d'une certaine somme d'argent, ben, mon voisin a besoin de l'équivalent. Alors, on pense avec plus d'abondance afin de faire circuler. Et si chacun pense de cette façon-là, alors il y a une surabondance de richesse en circulation. Alors, s'il y a un très grand nombre de gens ou de centres de distribution comme ça qui existent dans le monde, dans le nouveau monde, alors là, ce serait une rénovation complètement de la planète. Là. Quand la substance est convertie en produit de consommation par l'ingénuité humaine, la valeur s'accroît sous la forme de richesse. Quand cette richesse est achetée par le travailleur individuel, elle devient un actif négatif, car par définition, améliore l'environnement. L'argent pris pour faire cet achat, par conséquent, est l'indicatif d'unité de richesse du médium d'échange. Quand on dépense de l'énergie de telle manière que l'humanité en bénéficie personnellement par le travail accompli, la valeur s'accroît sous la forme de service. Quand ce service est acheté par le travailleur individuel, il devient un actif, car par définition, il améliore le soi. Semblablement, l'argent employé à cet achat est représentatif d'unité de service d'un médium d'échange. Pour cette raison, quand la monnaie courante, quel que soit le nom dont on l'appelle, est échangée pour le service, résultant de l'amélioration du soi, il devient une unité de service. Quand il est échangé pour de la richesse, résultant de l'amélioration de l'environnement, il devient une unité de richesse. Évidemment, dans une économie qui est fondée entièrement sur un système de crédit et débit, opérant par l'intermédiaire de l'expansion et de la contraction de billets bancaires, le concept d'un échange équilibré entre le service accompli et la richesse produite ne devient pas le facteur équivalent dans le pensée des économistes d'aujourd'hui. Quand l'économie devient la science des valeurs d'échange, et un jour elle le deviendra, la véritable nature du médium d'échange, qui est la seule fonction valide de l'argent, deviendra apparent. Il ne deviendra pas apparent tant qu'une correspondance ne sera pas établie entre les unités de service et l'échelle de valeur, entre les unités de richesse et l'échelle des prix. Bon, monsieur, on dit que l'économie, c'est la science des valeurs d'échange, n'est-ce pas? Alors, l'économie, c'est basé sur l'équilibre et sur l'harmonie de toutes les transactions qui se font dans le monde. Dans un cercle restreint ou bien dans une grande collectivité. Alors, quand tout est mis en branle, quand tout circule, quoi, alors il y a de l'harmonie en mouvement. L'harmonie est dans le mouvement, autrement, tout est en latence. Alors, en prenant cette attitude-là au sujet de notre production, de sa distribution, là, on a infiniment plus de vie dans notre environnement qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Et comme résultat, la vie circule rétroactivement. Afin d'établir une économie dans laquelle un travailleur individuel peut réacheter la valeur qu'il a créée, il sera nécessaire de marquer le prix de toutes les richesses en termes de service qui a contribué à sa manufacture et d'établir la valeur de tous les salaires en termes de richesses ainsi produites. À moins que l'économie ne soit apte à retourner valeur pour valeur, le servant est évidemment défraudé et la société dans laquelle il fonctionne devient karmiquement engagée au point où elle fait face à une dissolution catastrophique. Ce que voyez-vous, une denrée produite peut subir une inflation si elle a passé entre trop de mains. Et La situation idéale, ce serait qu'à la fin d'un circuit, que la valeur produite devrait être rachetée au même prix de la production. Le boulanger fait un pain, il lui coûte 10 sous. Et il le fait circuler par le distributeur. Si lui-même veut racheter son pain, il faudrait qu'il paye 30 ou 40 ou 50 sous, peut-être 1 dollar. Alors tout ça, c'était artificiellement surajouté. Hein. Alors ça, c'est non seulement de l'inflation, comme on l'appelle en économie nationale, mais c'est simplement fausser les valeurs. Alors c'est ça qu'il faut détruire, l'augmentation fictive des valeurs qui en réalité n'en sont pas. On a commencé avec les ponts de péage ici. Hein? Ben C'est oui, ça? justement. Oui. Ben oui. C'est un peu ça, en fait, les Justement. intermédiaires et tout Ben ça, c'est oui, les ponts de ben péage. oui. On a financé les autoroutes et tout par les deniers du Oui. peuple. Et après ça, Alors, on nous impose payez de encore. nouveau. Ben oui. Encore. Oh oui. Magnifique. C'est afin de prévenir une telle dissolution de notre société contemporaine qu'un équilibre scientifique doit être établi entre ce qu'un travailleur est payé pour ses services et ce qu'il peut acheter avec ce salaire. Si le prix d'un article produit par un travailleur est plus élevé que le salaire global qu'il en reçoit, considérant l'économie en général, il est évident qu'il ne peut posséder les résultats de son travail en entier. Quand l'agrégation de travailleurs ne peuvent reposséder l'agrégation de la richesse qu'ils ont créée, un surplus de richesse s'accumule. Comme cette richesse s'accumule, l'emploi diminue. Les travailleurs perdent leur position. Non pas parce qu'il y a trop de production, mais parce qu'il y a trop peu de consommation provenant d'une insuffisance de salaire par laquelle on achète. C'est exact, Ben oui. c'est une tragédie universelle maintenant. Et en Amérique, c'est cumulatif. Cette condition de la chute des prix avec plus de denrées que de demandes est connue sous le terme de déflation. D'un autre côté, l'agrégation de travailleurs est payée en excès de compensation de la valeur actuelle de la richesse produite. Le résultat est également dévastateur. Dans ce cas, il n'y a pas assez de richesse pour suppléer à la demande et conséquemment les travailleurs rivalisent les uns contre les autres pour la possession de ce qui est disponible de la richesse. La prémisse de la richesse en relation au pouvoir d'achat provenant de l'augmentation du volume d'argent en circulation, un crédit crée ce que l'on appelle un marché d'enchères. L'état de l'économie qui permet d'augmenter les prix avec une demande plus forte que la production est connu sous le terme d'inflation. Et voici, c'est la tragédie qui existe à travers la plus grande partie de la Terre maintenant. Alors, non seulement augmenter les valeurs par l'inflation, mais les diminuer par la suite, hein, qu'il y a eu trop de production. Alors, si on peut parer à cette carence de désordre, alors là, on remettra l'ordre. C'est un travail peut-être 2 ou 3 générations, mais quand ça arrivera, il y aura de l'ordre dans la Terre. Surtout dans le Nouveau Monde, dans l'Amérique. Hein. C'est là que se fera le creuset de cette nouvelle race. Établir ces conditions-là dans l'Amérique d'abord, puisque c'est le Nouveau Monde. Est-ce qu'ils vont se souvenir dans 3 générations que ça a commencé au 11e étage d'une tour à édifice de la place Crémazie à Montréal? J'ai eu des nouvelles de mon mécène, Zitko. Il mentionne qu'il y a eu de la correspondance d'ici, venant d'ici. Je ne sais pas qui, ils ne m'ont pas mentionné. Alors, apparemment, ça commence à circuler. Ça se pourrait qu'on ait sa visite dans quelques temps. Au mois de mars, après Floride, dans le Nevada ou dans l'Arizona. Il va y avoir un homme qui est un dynamo. Un peu plus fort, on vous demande de parler. Ah oui, alors, M. Jutko, dont je suis que le traducteur et l'interprète, viendra nous rendre visite ici, au mois de mars, je pense, après j'aurai été dans le Nevada, dans l'Arizona. Alors, c'est lui qui est l'auteur de cette science-là, à laquelle il a travaillé pendant 36 ans, hein, en se prévalant de la connaissance de 11 universités mondiales pour rassembler toute la connaissance du monde au sujet de l'amélioration du nouveau monde. L'inflation, qui est l'état de l'économie présente, est encouragée par une demande artificielle, encouragée par le gage de la guerre. Un vaste nombre de travailleurs qui servent directement ou indirectement à la manufacture de la richesse, qui est après détruite en grande quantité, déprécie automatiquement la valeur de leurs services, puisqu'ils n'ont rien en retour. Mais puisqu'ils sont payés par monnaie courante artificielle dans le sens que la monnaie courante ne représente pas la valeur consommable, d'autres doivent abandonner leur valeur légitime pour payer les coûts de cette destruction. Puisque la guerre provoque une distorsion de valeur économique et abaisse la société qui lui permet d'exister, c'est-à-dire qui lui permet de devenir engagée. Sans égard de sa justification, la guerre Exclavagie. Elle détruit et liquide le karma sur une échelle totale de vente. Oui, c'est une destruction morale, sociale et générale. Et quels sont le pourcentage, quel pourcentage d'énergie monétaire vouée à la guerre serait difficile d'établir, mais ce serait incroyable si on savait. Alors, ça, c'est la voie de destruction, hein? Dans les temps lémuriens, la guerre n'était pas tolérée et le conflit pouvait provenir seulement d'une incompréhension de ce que constituait une application cosmique valide de l'énergie humaine. En ces jours, le temps était le dénominateur commun pour l'évaluation du travail, du service d'un travailleur. 8 heures de service étaient composées par 8 unités de médium d'échange. Ce système de calcul fonctionnait admirablement aux conditions de cette période, aussi loin que là. Ah ben alors là. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de mots. Non? Il n'y a pas de mots. Il y a des points de suspension. Là, je Alors. reste en suspension moi-même là. Ce système de calcul fonctionnait admirablement aux conditions de cette période, aussi loin que là, de ses premiers citoyens furent plus ou moins identiques. La condition, oui, la condition sociale de ces citoyens fait plus ou moins tandis que là, OK. ouais. Des fois, j'apporte des voix, ça peut aller. Aujourd'hui, toutefois, ce n'est pas le temps, mais l'expérience qui est devenue le dénominateur commun. Et l'individu, du moins théoriquement, qui a la capacité de rendre 2 fois plus de services en un temps donné, est compensé en fonction. Alors, c'est intéressant, ça, cette équivalence d'unité de temps, c'est ça? Oui. Unité de médium d'échange, donc. Et bien, dans le monétaire, oui. Assumant que l'expérience est plus valable que le temps, la prochaine question qui survient est sur quel fondement cette expérience peut être calculée. L'expérience est l'accumulation de la connaissance du travail de quelqu'un, de la fondation fondamentale de la vie. Il est acquis par l'essai, l'observation et la pratique. Le résultat net de l'acquisition de l'expérience est double. Nous avons développé l'habileté d'être pratique à travers notre contact avec cet aspect de notre connaissance, à appliquer, qui est d'envergure matérielle, et nous avons développé l'habileté d'être idéalistique. Idéalistique? Oui. Oui, Oh. oui. C'est-à-dire qu'on anticipe un peu une situation idéale avant d'avoir réalisé actuellement. Oui. Oui. Idéaliste aussi, ça. Oui, idéaliste, j'aime bien Alors, l'éthique. Il aime bien C'est l'éthique l'éthique, qui il est y en a partout derrière. d'éthique. Alors on va dire, on va prendre son mode de pensée, Altruistique aussi. altruistique, Ah oui. pessimistique, optimistique, etc. On Ah. commence à avoir l'habitude, il crée des nouveaux mots là. L'habileté d'être idéalistique à travers notre contact avec cet aspect de notre connaissance appliquée qui est de caractère spirituel. Depuis, comme conséquence de l'expérience, nous avons gagné dans cette vie et les autres, soit que nous soyons primairement pratiques ou idéalistiques. Nous devenons à la fois pratique et idéalistique dans une proportion équilibrée, seulement quand le processus de l'initiation spirituelle a parcouru son cheminement dans la vie de l'aspirant. Pour le travailleur idéalistique, Ben, ça, j'avais dicté ça, cette chose-là. ouais. Oh, oui, je pense qu'on a abusé un Donc pour le travailleur idéalistique, peu. l'économie présente contribue à peu de progrès. Parce que la civilisation occidentale est orientée vers les valeurs matérielles. Matérialistique. J'envoie des Ah, pour des applaudissements. valeurs matérialistiques. Faut que j'en escamote quelques-uns, là, Ah sinon je vais oui. avoir un fou rire, c'est pas possible. Bon, pour le travailleur idéaliste, l'économie présente contribue à peu de progrès. Ah Parce que la civilisation occidentale est orientée vers les valeurs matérielles. L'esprit pratique est récompensé. Et l'idéalisme est pénalisé. ouais. Celui pratique, je peux le garder. C'est l'idéalisme de chaque génération succédante que des changements, qui promouvoient des changements dans les concepts pratiques de l'homme. Oh là, bon, il doit manquer un verbe quelque part là. C'est l'idéalisme de chaque génération succédante. Alors, c'est de l'idéalisme de chaque génération Concept, succédante que oui. des changements qui promouvoient des changements dans les concepts pratiques de l'homme. Et s'il n'était de ces changements, l'homme stagnerait à un niveau d'esprit pratique qui contribuerait à dignifier la guerre, la maladie, la famine et l'ignorance comme essentiel au bien-être humain. Des mots inévitables, comment dire, oui. À moins que cela puisse être considéré comme une contradiction de termes, on doit réaliser que ces conditions sont bien financées par ceux qui établissent une priorité pour leur continuation. Qu'est-ce que ça veut dire? Justement, on insiste sur l'essentiel de ces choses-là qui ont été ne l'est pas. Hein? Non. La guerre, c'est essentiel, ça fait tourner la roue, quoi. Hein? Okay. La roue du destin ou de la déchéance, de la race, quoi. Tout travailleur spirituel doit comprendre la nécessité de faire une approche pratique à la réalisation de cet idéal. Nous ne pouvons nous attendre à l'avènement d'un nouvel âge sans détermination de la part du serveur individuel de se conformer à la loi karmique gouvernant l'économie d'efforts constructifs. Parce que la civilisation est le produit de plusieurs services rendus en relation à un système complexe d'échanges, il est nécessaire de réduire la description de ces services en quelques classifications générales. Encore une fois, le nombre 7 devient important et les paliers inclus sont, premièrement, industriel, agriculturel, domestique, professionnel, commercial, sécuritaire, gouvernemental. Pas de tic, non. Non, mais là, je les supprime. Plus tard, nous étendrons cette classification. C'est cette calcification. Classification. Oui, c'est là, pas classification, c'est cette calcification. La calcification, dire, oui. Vous avez un vocabulaire qui est tellement large et tout que je finis moi par douter moi-même. Je pense en anglais, puis je parle en français. Oui. Bon, alors, on opte pour calcification. Calcification, calcifier une chose, la rendre inerte. Hein. Calcification, oui. Okay. Oui. Alors plus tard, nous étendrons cette calcification au nombre de 12. Bon, ce serait mieux de classification. Oui. Ah bon, bon. Ah, c'est mal à faire ça. Alors, on va étendre la classification au nombre de 12. Ça n'est pas l'erreur. Et nous les relaterons aux éléments fondamentaux de l'ordre divin qui suivra ultimement notre présent système nationalistique divisif de gouvernement humain. C'est géomystique, n'oublie pas. C'est géomystique et théocratique. Hein. Ouais, ouais. Faut rester là, dans leur bête. Victor Hugo, il aurait fait pâle figure, je pense. Il se serait senti dépassé un peu. Ben, c'est de l'enseignement théocristique, hein, en contraste avec l'enseignement géomystique. Hein? Ah oui, on employait ces termes-là, alors. On en a la marotte. Hein? Les services industriels sont ceux rendus directement par la production des biens manufacturés. Les services agriculturels sont ceux rendus par la culture du sol, la production de la nourriture et l'utilisation des ressources naturelles. Les services domestiques... Inévitable, ça. Ah oui, inévitable. C'est ça. Sont ceux rendus primairement dans la maison. Les services professionnels sont ceux rendus par une éducation spécialisée pour des buts hautement spécialisés. Les services commerciaux sont ceux rendus par la conduite générale des affaires. Les services sécuritaires sont ceux rendus pour le maintien des facilités en existence. Et les services gouvernementaux sont ceux rendus par l'administration de la société. Ces sept services sont fondamentaux, et sans égard à votre occupation présente, vous vous situez quelque part dans l'un ou l'autre de ces sept divisions. C'est ce qu'on appelle communément l'établissement. Hein? C'est ça, l'établissement, tel qu'il existe. Hein? Parce que la société est le problème constant de l'habileté et de l'incompétence du labeur de chacune de ces classifications, il est de plan essentiel qu'il y ait une différenciation de compensation entre l'apprenti, l'adepte et le maître ouvrier. Ainsi, nous avons la classification, à même la classification, et les habilités au sein des expertises. Le département de labeur du gouvernement des États-Unis a catalogué 12 000 désignations d'emplois individuels qui commandent une compensation qui est relativement stable dans l'ordre économique. Aucune autre nation dans le monde ne possède une aussi large diversification de compétences couvrant autant de champs d'entreprise humaine. Il n'y a aucun autre texte non plus qui comprend une aussi large diversification de mots et de vocabulaire, Alexandre. On est en train de s'enrichir là au niveau de notre vocabulaire. Ouais. C'est du beau verbiage, mais la meilleure fois, j'étais à Ottawa, mais on m'appelait Woodcrafter. Woodcrafter. Alors, j'étais supposé être lexicographe. Le? Lexicographe. Un lexicographe. On travaillait, on était à faire la deuxième édition du Haraps, le dictionnaire Haraps. Oui. Alors, on m'avait engagé comme lexicographe. Woodcrafter. C'est ça qu'un lexicographe. C'est un word crafter. Un alexicographe. Un alexicographe. Il existe maintenant un fondement afin de déterminer le titre exact du travail que vous exercez et de la compensation moyenne ou exacte que vous devez en recevoir. Et on va aller avec ça voir notre patron. Oui, oui. On va dire c'est Alexandre Lachance qui l'a dit. Il faut être rétribué de telle façon. Dur Alex, c'est de l'ex. Dur Alex, c'est de l'ex. Dur Alex. Dur Alex. Mais la question demeure, quel standard de vie peut-on maintenir avec cette compensation? Est-ce que la plus basse compensation reçue pour le travail rendu dans la moindre compétence de tous les emplois est suffisant? Mais là, je doute encore une fois. Là. Je suis dans une vibration de sang là aujourd'hui. C'est écrit dans la moindre compérance. Compétence? C'est compétence? Compétence, okay. Oui. C'est plus sûr du tout là. Est-ce que la plus basse compensation reçue pour le travail rendu pour la moindre compétence de tous les emplois est suffisante à fournir un standard de vie minimum satisfaisant pour la société moderne? On doit maintenant répondre à cette question aujourd'hui. Si l'apparition de la pauvreté doit être éradiquée des affaires humaines et des problèmes des ghettos, des grandes villes devant être dissoutes de façon permanente. Ouais. En bref, là. Déraciner, déraciner. Ces choses qui n'ont pas de valeur réelle. Oui. Alors, enlever les radis. Enlever les radis. On accepte généralement qu'il doit ou devrait y avoir un salaire minimum. Mais en plus de cela... C'est ça qui est important, l'établissement de la justice de compensation. Ouais. Il y a des services qui sont apparemment pas bénins, mais qui sont indispensables quand même. Alors, il faut que ce soit rémunéré, pas nécessairement en compensation de la valeur intrinsèque du service, mais de sa valeur collective. Alors, c'est cette idée qu'il s'agit de mettre en relief. Là. Donc, on accepte généralement qu'il doit ou devrait y avoir un salaire minimum, mais en plus de cela, il doit y avoir une garantie de revenu annuel. Oui. Oui. C'est à propos, ça. Oui. C'est actuel, non? Le salaire minimum peut ou pas prévenir la pauvreté selon le montant du travail disponible. Mais un revenu garanti fournira la nourriture, les vêtements et le bien-être nécessaires pour chacun à son maintien, avec un minimum de dignité acceptable. Étant donné le minimum acceptable, à la fois en dignité et en compensation, l'évaluation des gages à travers les 12 000 catégories d'emplois devient seulement un autre pas dans le processus d'établir un système économique qui reconnaît la nécessité de la justice karmique. Ça va pas être une mince affaire à leur faire avaler, ça. Oui, oui. Et de même, il faut qu'ils apprennent malgré eux. C'est indispensable à une nouvelle génération. Ouais. Voyez-vous aller parler aux patrons des multinationales de justice karmique et d'équilibre karmique, etc. C'est une tâche. Ça va prendre du temps. Donc, le processus d'établir un système économique qui reconnaît la nécessité de la justice karmique et de l'équilibre karmique. On pourrait dire karmistique, non? Enfin, c'était assez dans l'échange de la vie humaine, souvenez-vous toujours, la vie n'est que l'expression de l'énergie. Et tous les jours de votre vie, vous donnez ou retenez l'énergie sous la forme de service, affectant ainsi vos relations karmiques avec tous ceux qui vous aident ou vous retardent. Le temps est venu pour vous de savoir que les gages que vous avez gagnés et les prix que vous avez payés pour ce que vous désirez totalisent la nature des conditions karmiques sous lesquelles vous vivez. Vous ne pouvez échapper à l'équilibre exigé par la nature ou le cosmos comme l'inventaire de votre valeur intrinsèque venant d'un foyer convenable. Bien que nous ne réalisons pas qu'il y a plusieurs ramifications à ce problème de créer un ordre économique qui est en harmonie avec la réalité karmique, il n'est pas notre but de les considérer présentement. Évidemment, il serait nécessaire d'établir un changement complet de la structure de taxes. C'est, en tout cas, ça doit être ça, la structure de taxes, du système de crédit et toute procédure bancaire dans laquelle l'intérêt, le profit et l'endettement jouent un rôle majeur. Il faudra également un changement complet de l'état d'esprit humain, d'accommoder les implications de l'automatisation, la cybernétisation et la révolution en aspiration qui conduit plusieurs à chercher l'accomplissement d'une vie plus signifiante. Et voici, sans cet idéal-là s'établit à notre insu, puis à l'insu des multinationales aussi, parce que depuis, disons, 20 ans, on commence à puiser dans ce domaine-là pour amoindrir les abus qui sont à travers l'Amérique, surtout. Hein. Ben regardez, on a toujours réclamé plus de temps libre, moins de travail. On veut s'en aller vers une civilisation de loisirs. Oui. À ce moment-là, on nous met donc de l'automatisation, des robots qui font ce travail-là, et puis on se retrouve au chômage, à gueuler encore une fois qu'on n'a plus de travail. Ou trouver un équilibre là-dedans. Est-ce que robotisation a un avenir? Oui, justement, la robotisation, on va avoir sa limite, naturellement. Ça sera rien que pour les choses qui sont indispensables. Pour l'instant, on ne considère que la rentabilité au niveau simplement, de ces robots-là. Oui, ce ne sera pas universel, c'est impensable, parce que là, on ne sera plus un individu, ce sera simplement une fourmilière. Hein. Il va y avoir plus que du travail pour les robots, c'est tout, oui, demain. Oui. Avant l'âge des machines automatiques et de l'ordinateur cybernétique, le travail humain contrefait l'économie et les gens vivaient du produit de leur création obtenu largement à la sueur de leur front. Aujourd'hui, la robotique contrôle l'économie et détermine le montant de production et les gens n'ont plus besoin de travailler à la sueur de leur front. La tragédie de notre temps est que la science et la technologie ont mis la prospérité et la sécurité à la portée de tous, mais la prospérité... Non, mais le... et l'intolérance religieuse ont détruit cette prospérité et ont fait une moquerie de la sécurité en attisant les flammes de la guerre et dévalorisant la valeur humaine individuelle. C'est ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Graduellement, mais c'était le résultat final. Alors c'est ce qu'on veut détruire et paralyser afin qu'il y ait liberté d'action et liberté de développement. À chaque item de valeur ressortant de l'application de l'énergie humaine, il y aura nécessairement un prix. Cela sera aussi vrai dans le nouvel ordre que dans l'ancien. Mais nous aurons à calculer le prix au-delà de l'économie d'achat. Le prix de certaines commodités et de services pourra être payé de façon convenable seulement après plusieurs vies de peine et de misère. Alors continuerez-vous à recevoir la compensation ? Même si vos efforts doivent se diriger du niveau d'expression manuel à l'intellectuel et au spirituel. Votre gage sera le résultat de quelque chose au-delà de maintenir une tâche. Ce sera la projection naturelle de l'accomplissement d'un but. Vous travaillerez non pas parce que vous êtes forcé pour des raisons économiques, mais parce que vous avez une mission qui requiert l'acceptation de l'âme et son exécution. Ça, c'est l'idéal à atteindre pour toute la race, n'est-ce pas? Autrement, ben, nous sommes robotisés. Mais ça semble si lointain, ça, à atteindre comme objectif. Ça s'en vient graduellement. C'est pas que... Il faudrait quasiment que tout le système monétaire, économique s'écroule. Pour écrouler, oui. Ouais. Écrouler, ce n'est pas le détruire, c'est le niveler, afin que tout le monde puisse y participer adéquatement. Oui, un écroulement, parce qu'il est monté artificiellement. Il est comme sur des échasses, pour ainsi dire. Alors, ça doit être... rabaissé au niveau du peuple. Il y a de plus en plus de gens qui sont de moins en moins capables de subir cette tension-là au niveau de l'économie dans le monde et qui se regroupent en espèces de micro-sociétés aujourd'hui. Justement, ça pullule partout. Où ils édictent leurs propres lois d'échange, de valeurs, etc. Oh, il y en a énormément, là, ça progresse depuis plusieurs générations, deux générations au moins, oui. On commence à encourager ce genre de vie-là. Des petites mini-sociétés, qu'on appelle. Ouais. Alors, des séparatistes. Ouais. Alors, je pense c'est que... C'est pas si y a une allusion, là, avec tous nos tics nerveux, cérébraux, on finit par comprendre que cet enseignement théocristique, au lieu de l'enseignement géocristique, vise à la liberté morale, à la liberté sociale et au développement de la collectivité aussi bien que l'individu. Alors, tout l'enseignement vise à ça, émanciper les individus afin que la collectivité totale en bénéficie. S'en débarrassant la planète de tout ce qui est artificiel, qui n'est pas salutaire à son développement normal. Alors, c'est ça l'enseignement théocristique. Notre courant économique a largement concentré sur ces pages depuis que le livret bancaire est la source de laquelle tout s'achète. On donne à la bourse rarement l'attention adéquate au prix que nous sommes forcés de payer pour ce que l'on désire. Si le prix véritable était connu au moment de l'achat, nous ne... Bon, il y a des poids de suspension, là. Nous ne référons pas à l'intérêt, les charges, les taxes de vente et autres méthodes qui prévalent de distorsion de valeur. Nous refuserions d'acheter ce qui pourrait s'avérer non seulement nocif, mais mortel. Les conséquences économiques d'acheter des drogues, des liqueurs, à l'exception de l'armagnac, du tabac, de la nourriture adultérée. Nourriture adultérée, mais oui. Oui. Ben oui, on adultère la nourriture, des préservatifs, tout ça. Oui, on adultère la nourriture. Ben oui, tout ce qui se vend en boîte, hein. Hein? Des soupes en canne, des affaires-là. Ouais, mais est-ce que c'est pas dénaturé, ça? Dénaturé ou adultéré? Adultéré. Adultéré, oui. On a acheté quelque chose qui est étranger. Ah, OK. Quelque chose d'étranger. Ah, d'accord, l'adultère. Oui, oui. Okay. C'est intéressant. Mais est-ce que Mireille, elle vous comprend quand vous lui dictez ça? Non, elle dit qu'elle n'écoute pas. Elle n'écoute pas. Elle n'écoute pas, non, non. Ça paraît de temps en temps. Donc, on parlait de nourriture adultérée. Oui, oui, justement. Donc, les conséquences économiques d'acheter des drogues, des liqueurs, tabac, de la nourriture adultérée, ouais, et de la marchandise... Quel autre terme t'as suggéré? Dénaturée. Dénaturée, oui. Et de la marchandise indésirable, par exemple, n'est qu'une petite partie des pénalités karmiques qui s'attachent à l'achat indiscriminé. Oui. Sans savoir exactement ce que l'on achète, on ne sait pas ce que l'on achète, une belle libelle dessus. Hein? Ouais. Vous vous blessez par le manque de sélectibilité spirituelle adéquate et vous blessez les autres en créant une demande spirituelle injustifiée qu'on exige aux autres d'accomplir. Oui. Ainsi, nous devons être concernés non seulement de la manière que nous gagnons notre argent, telle que décrite dans la leçon précédente, mais aussi comment nous permettons aux autres de nous servir en remplissant nos demandes. Cela ne nous fait aucun bien de dire que nous devons sacrifier des millions de pauvres animaux sur les tables de vivisection afin d'entraîner nos dicteurs pour des opérations chirurgicales sur l'être humain, parce qu'un jour nous pourrions avoir besoin de ces services. Aucun doute que la majorité de ces médecins préféraient ne pas servir dans ce sens si les gens en général vivaient de façon à prévenir cette nécessité. Mais elle existe quand même. Cela ne fait pas bien non plus de dire que nous devons nous entraîner pour des devoirs militaires en apprenant les mille manières comment un individu puisse tuer un autre être humain parce qu'un jour nous pourrons avoir besoin de nous défendre. Aucun doute que même les soi-disant têtes dirigeantes professionnelles qui ont fait de la vie militaire une carrière préféraient ne pas envoyer des jeunes hommes dans la bataille si les citoyens derrière la ligne vivaient de façon à prévenir des conflits non nécessaires. Alors, ces conditions qui prévaut dans le monde maintenant, sûrement, ce n'est pas notre devoir ni notre responsabilité d'essayer de tout corriger. Mais en sachant quelle est la situation, en la regardant en pleine face, on peut éviter d'y participer, quoi. Par exemple, la production d'armes nucléaires, tout ça, à laquelle, comme on dit, 27 % de la population américaine a servi. 27 % de la population travaillante américaine produit des matériels de guerre. C'est incroyable, hein? Alors... Les honoraires et les prix dans la nouvelle économie ont une implication morale. Ce qui est pratique doit avoir une fondation idéalistique. Et ce qui est idéalistique doit à long terme être pratique. Si votre évolution à ce point a été largement motivée par des considérations pratiques, il vous est maintenant nécessaire de prendre l'idéalisme du nouvel ordre. Si le progrès de votre âme peut se tracer par les idéaux que vous avez acquis dans cette vie et les autres, il est maintenant temps de gagner l'expérience pratique par laquelle ces idéaux peuvent devenir une réalité vivante de ce monde. S'il devait sembler que cette discussion soit trop abstraite pour l'utilité immédiate d'une convention, ne soyez pas déçus. Elle devrait faire surgir de nouvelles pensées concernant vos objectifs économiques. Revoyez cette section fréquemment pour enraciner vos convictions. Non, ça ne s'appelle qu'à la généralité, mais dans notre mode de pensée, on devra s'en soucier et voir les situations telles qu'elles sont, afin de dire je n'y participe pas ou bien je n'y transige pas. Alors cette situation, elle est problématique. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment nous-mêmes, là? Oui, problématique. On n'a pas les leviers de commande, nous, dans les mains. Non, non, mais c'est l'influence de la masse qui agira. Oui. Ouais. Alors, c'est un homme toujours grandissant, qui sont conscients des situations telles qu'elles existent. Alors, la situation par elle-même s'affaiblira, ouais. N'ayant pas de support. Ouais, on dit que le poisson pourrit par la tête, et puis fin d'ère de poisson de Kali Yuga, là, c'est toute la tête qui... Alors là, on est dans le poisson de l'ère de la connaissance, alors il faut connaître la situation, l'envisager telle qu'elle est, puis dire c'est pas beau, alors on refuse de s'y transiger. Ouais. Alors rien qu'y penser collectivement, un grand nombre d'y penser, ça aura un effet. Vous savez, moi, je trouve que c'est intéressant dans une application d'une micro-société. Ben oui. Parce que les gens qui sont engagés, les gens qui ont passé par beaucoup de théories métaphysiques ou d'idées ésotériques, etc., qui commencent à vouloir passer à l'action, à s'engager, etc., forment déjà des micro-sociétés. Mais prenons le catalyseur société d'abord. Ça pourrait s'appliquer, ces choses-là. N'est-ce pas, hein? Alors, la société permet de signer tout ça. Ça, c'était leur idéal. De neutraliser le despotisme de l'Empire romain, etc. Alors, de ces micro-sociétés, de ces petits groupes de contestataires, mais qui contestent au sujet de situations sérieuses, alors auront un effet bienfaisant dans la société dans très peu de temps. Il faudrait pouvoir créer un modèle micro-social. Exactement. Qui pourrait être vu, visité, etc. Il faudrait un modèle, parce que au niveau de l'abstraction des textes, c'est bien difficile de faire lire ça à Reagan ou bien à Gorbatchev. Non. Mais seulement en mettre l'application localement. Tu sais. Moi, ça serait une bonne suggestion à faire à Daniel Kemp et son village scientifique de l'avenir. Là. On va l'attaquer. S'ils ont besoin de lois sociales ou civiques, économiques, etc. Là. Ouais. Alors, ce monde à venir, c'est ça. C'est l'idéal de l'enseignement de la table ronde de l'Université mondiale. Puis quand on dit l'Université mondiale, c'est que toutes les grandes universités du monde y ont contribué. Puis ont tous réalisé le même idéal, ils y participent tous. Et dans très peu de temps, ça sera reconnu universellement et mis en pratique universellement. Ça, je n'en doute pas. C'est en Amérique que ça va commencer. Et dans l'Amérique du Nord aussi, puisque Québec a son destin, hein, alors Québec va y participer. Parce que l'élément franco-canadien est fort dans ce domaine-là. Puis il se fait sentir. Alors, il nous reste encore quelques minutes. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être du prochain chapitre dans sa généralité? Il s'agit de la protection de l'ingénuité humaine. Voici. Il y a bien des gens qui produisent des choses précieuses pour la société, l'industrie, etc., mais qui ne sont pas reconnus. Les patentes ne sont pas respectées. Demeure la propriété publique après 30 ans, mais les inventeurs meurent dans les oubliettes des catacombes ou ailleurs, c'était le cas. Hein? Alors, il y a des lois qui devraient être établies pour protéger l'inventeur, pas nécessairement d'une machinerie, mais d'un système d'amélioration de la société. Alors, c'est ceux-là qui sont le plus persécutés, par les despotes. On le voit au niveau de ce monsieur-là, Saint-Germain à Saint-Simon, là. Oui, justement, hein, oui. Qui a posé je ne sais combien de brevets, etc., puis qui ont été rachetés des gens qui ont fait des fortunes avec, mais qui lui ont racheté ça pour une bouchée de pain. Ah oui, c'était le cas de bien d'autres aussi. Nikola Tesla, les premiers inventeurs de la radio, là, comment s'appelle? De Forest, ouais. Jimmy De Forest, et un nommé Crossley, qui sont morts dans les oubliettes aussi. Oui. Ensuite, la semaine suivante, on verra aussi le standard parfait et la dimension parfaite, ça va être quoi? Ah oui, ça c'est les critères, les étalons de valeur. Les étalons de valeur, comme les poids et mesures, puis les qualités invariables qui devraient exister. Ouais. Bon. On a un autre chapitre ensuite, l'inventaire de l'environnement et du caractère. Oui, c'est important ça. Savoir à qui on a affaire, puis savoir ce que l'on est exactement, comment on peut faire face à notre environnement, être en mesure d'y faire face, quoi. Alors ça, c'est précieux, ça aussi. Puis, les structures du système économique du futur. Oui. Et enfin, les processus de correspondance. On parlait tout à l'heure des salaires minimums. Mais ça, c'est un terme qui est un peu puéril, mais si c'est magnifié, le salaire minimum, ce serait une répartition juste des gains que la société produit par le biais de l'individu. Alors, ce sera un état idéal. Ouais. Et on terminera avec la deuxième initiation théochristique, là, un exercice de méditation. Oui. Maintenant, je mentionnais à plusieurs reprises que cet exercice de méditation a pour but d'éveiller une phase supérieure du cerveau, afin que l'on pense non seulement avec plus de vigueur, mais aussi avec plus de lucidité, afin que ce qui existe, les archétypes, comme on les appelle, puisse s'imposer à nous, qu'on puisse réaliser quelle est la vérité, sans être obligé de fouiller à droite et à gauche pour savoir ce qui est juste, ce qui est plausible, ce qui ne l'est pas. Alors ces archétypes s'imposeront. La justice, le sens de justice sera réparti à travers toute la mentalité. Mais ne croyez-vous pas que dans une situation de crise économique et sociale là, vers laquelle on semble se diriger de plus en plus, les archétypes du sauveur là, vont surgir de façon très forte dans l'inconscient collectif? Définitivement. Mais il va y avoir une réponse à ça, il va y avoir bien des messies, bien des sauveurs à gauche, à droite, etc. Oui, dans notre religion, comme on disait autrefois, puis on peut le dire encore. Mais... Alors comment acquérir suffisamment de discernement là, pour ne pas se faire embarquer? On ne connaît pas le fruit, on connaîtra là-bas ses fruits, n'est-ce pas? Ce ne sont pas tous des réels ni des vorions, mais tout de même. Alors, comme on a essayé de faire valoir ces nouveaux messieurs dernièrement. Hein? Ouais. Alors, on aura assez de jugement pour déterminer ce que sont les véritables valeurs. Ben, en somme, on reconnaîtra leurs fruits. Ils sont solitaires ou malfaisants. Alors, pour le prochain cahier, est-ce que vous pouvez déjà nous toucher un mot, nous donner un mot sur ce que va être le contenu de quatrième cahier? Oui. Le quatrième cahier parlera de l'initiation, proprement dite. L'initiation, c'est l'ouverture du chakra coronal, pour ainsi dire, où l'homme dira, enfin, je vois. Non seulement j'entends, je m'efforce de comprendre, mais je vois tout d'un coup. Alors, ça, ce sera le prochain texte que l'on apportera dimanche prochain. Avec l'image Ah oui, oui. La chose, ouais. Alors, on a vu tout à l'heure que l'image était en question, la croix sertie, et trouvait dans un petit livre qui s'appelle L'Essentiel. Je crois que oui, c'est ça. Ça, oui. Ici. Oui, mais c'est suite à une interview que vous avez donnée. Oui, ils sont venus chez moi, je crois. C'est dans les Rosicruciens. Oui. Je crois que ce sont les Rosicruciens, je pense. Bon. Oui. Alors, j'en ai pas de... Est-ce que c'est le numéro 2, ça? C'est le premier numéro. Oui, il y a d'autres à venir. Oui. J'en ai quelques articles, oui. Alors, ils ont photographié ça. Oui, ils l'ont photographié chez moi. Comment le situez-vous, ce magazine-là, par rapport aux autres sur le marché? Ben, j'ai eu rien que celui-là. Oui. J'avais envoyé un article sur les éléments spirituels dans l'homme. Je pense que j'en ai parlé une fois ici, le pouvoir de rédemption. Les éléments spirituels, non. Les éléments féminins dans l'homme et leur pouvoir de rédemption. Là. Alexandre, oui, ça c'est intéressant ça. Oui. Oui. Alors, c'est ça, le deuxième qui suit, ça viendra d'un nouveau numéro. C'est le compagnonnage spirituel entre l'homme et la femme. Puis ça implique que le compagnonnage se fasse sur trois niveaux. Ouais. Lesquels? Mais, tous les trois niveaux sont spirituels. Corromps esprit, il n'y a pas d'erreur. Il ne faut pas faire d'erreur à ce sujet-là. Alors, il n'y a pas plus d'emphase placée sur un aspect que sur l'autre. Et c'est précieux, ça. Les deux sont concomitants. Ouais. Alors, le compagnon spirituel entre l'homme et la femme, ça, c'est précieux. Bah, je le distribuerai. Je pense que... Je pense qu'il est déjà paru dans deux ou trois revues. Ouais. OK. Est-ce que... Vous savez que j'ai été approché par les gens de l'émission Midi Soleil, là? Ah oui, oui, oui. Alors, je suis autorisé à leur donner votre numéro de téléphone pour qu'ils vous contactent. Très bien, oui. Ça fait qu'on va voir prochainement notre ami Alexandre Lachance à Midi Soleil. Bon, très bien. C'est midi soleil, ça? Oui, oui. C'est midi, c'est au début de la semaine? Oui. Ah, bon. Ben, c'est-à-dire qu'eux vont vous contacter, vont prendre rendez-vous avec vous, quand ça vous arrange. Hein. Très bien. Alors, il nous reste à remercier notre ami, patriarche Alexandre Lachance. Mon style est pas mal caractéristique, n'est-ce pas? Il est caractéristique. Il est emblématique. Mais derrière tout ce chose-là, vous avez trouvé quelque chose de christique. Merci beaucoup, c'était un réel plaisir. Merci. Bonne fin de soirée. Il reste du blé d'Inde en avant, je crois, là, qu'une personne a emmené ce soir, et puis également du café.